Ça va, vous m'entendez sans que je prenne de micro? C'est parfait parce que je déteste ça. Voilà, bonjour à tous. Merci encore d'être là. C'est un réel bonheur pour moi d'être parmi vous. Ça fait quelques années que je viens au Québec et pour moi, c'est aujourd'hui ma seconde patrie. Et c'est pour ça que je suis d'autant plus content de revenir ici parce que je me sens un peu chez moi. Et par conséquent, ça me fait plaisir de pouvoir échanger avec vous ce matin. Donc, je vais vous parler de naissance, de renaissance, d'alchimie, de langue des oiseaux, de contes, de... Comme d'habitude, je ne sais pas trop ce que je vais vous dire, mais finalement, il est probable que ça vienne tout seul. Une autre chose aussi sera possible, c'est que vous interveniez, c'est-à-dire qu'on fera circuler un micro, et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser, sinon je parle tout le temps. Donc, si lors de mon intervention, il y a quelque chose qui vous choque ou quelque chose, vous voulez une précision, vous levez la main, on vous donne un micro et on échange. Finalement, la transmission, c'est comme ça. Vous savez, la transmission ne dépend pas de celui qui parle, mais surtout de celui qui écoute. Et finalement, si ici on a des coupes et si ces coupes sont pleines, eh bien, il va falloir d'abord les vider avant de les remplir. Et donc, c'est ce qu'on va commencer à faire. Si je vais trop vite, vous m'arrêtez aussi. Je peux avoir tendance, une fois que le robinet est ouvert, bien sûr, qu'il se passe un certain nombre de choses. Alors, pour l'alchimiste, parce que je suis un alchimiste, je suis un alchimiste opératif, c'est-à-dire que j'ai un laboratoire et que je travaille à l'intérieur de ce laboratoire, moitié labor et moitié oratoire. Donc, moitié dans la matière et moitié dans l'esprit. Et ce qui veut dire que, eh bien, on s'est posé cette question, nous aussi, alchimistes. Qu'est-ce que la vie? Qu'est-ce que la mort? C'est quand même quelque chose qui est important pour nous. Et on a trouvé certaines clés, certaines représentations. La première chose, dès qu'on naît, on n'est plus. Oui, je sais, le matin, ça va être un peu difficile à faire, ça. Mais vous allez voir, ça va aller très bien. Évidemment, parce que naître, c'est non-être, finalement. Naître. Donc on peut dire qu'on est. Et puis dès qu'on est, on n'est plus. Et puis on vit, on meurt, on vit, on meurt jusqu'à être de nouveau. C'est peut-être ça la clé, finalement. Parce que vous remarquez quelque chose, que le contraire de la vie, c'est la mort. Mais le contraire de la naissance, c'est quoi? Bah justement, on n'a pas cette question. Peut-être qu'on ne fait que naître une fois et que le contraire de la naissance, c'est être. Et peut-être que finalement, naître, c'est se couper de quelque chose, de cette espèce d'unité, de cette espèce d'univers. Et c'est sans doute ce qui nous rend malheureux, c'est qu'on a l'impression d'être fractionné, d'être coupé de quelque chose. Et la question, c'est comment on va retrouver cette unité, cet univers. On est tous univers, bien sûr. On pourra l'entendre et vous l'entendrez comme vous voulez. Et peut-être justement cette peur de la mort, c'est la peur du fractionnement, la peur d'être coupé. Vous savez, on a peur, on dit quand on va mourir, ça va être froid, on va être tout seul, on va être enterré, mais tout ça, c'est des peurs de vivant. Parce que finalement, deux possibilités. Soit quand on est mort, il n'y a plus rien après. Et à ce moment-là, on n'a aucune raison d'en avoir peur, puisque de toute façon, on ne sera pas là pour avoir peur. Soit il y a autre chose après. Et on a encore moins de raisons d'avoir peur, parce qu'il y a autre chose après. Donc finalement, on ne peut pas avoir peur de la mort, car vous entendez la mort aujourd'hui, l'âme or. Et si la mort, c'est l'âme or, bah finalement, c'est jamais qu'un changement d'état, finalement. Peut-être que ce véhicule que nous avons ici dans ce monde, il n'est que très temporaire, et que finalement, on le quitte comme on quitte une voiture, mais ce n'est pas parce qu'on met sa voiture dans une case, d'ailleurs, on appelle ça un cimetière de voiture, finalement, que celui qui est dedans disparaît. Et peut-être que c'est là notre clé aussi, peut-être que la mort est une clé très intéressante. Regardez, quand on arrive dans ce monde, on apparaît. Quand on quitte ce monde, on disparaît. On fait donc que paraître? Et la question, c'est on est quand? Peut-être qu'on est justement dès qu'on est. Si je vais encore trop vite, arrêtez-moi. Je sais que le matin, c'est assez difficile, mais c'est une manière de tournure d'esprit. Mais voyez que les mots ne sont pas écrits au hasard. Et que finalement, ça va nous donner un certain nombre de clés. Regardez dans le mot mort, regardez comment il est écrit. MORT. Voyez la forme de la première lettre, la mort. Je le fais en français, hein, bien sûr, hein, mais on pourrait le faire en anglais, on pourrait le faire en grec, en latin, en hébreu. Si ça vous amuse, s'amuser, c'est s'user l'âme, âme usée. Peut-être que ça va nous donner une clé très importante, justement, sur la suite de notre voyage. Donc, si je regarde le mot mort, la première lettre, c'est un M, c'est une femme qui accouche. Voyez la forme de cette lettre. Ensuite, on a l'eau. L'eau, c'est l'eau, l'élément eau. Ensuite, on a l'air. L'air, c'est l'air, l'élément air. Enfin, on a le T de la terre. Donc finalement, dans la mort, il reste que l'eau, l'air et la terre. Il manque un élément, hein. L'élément qui manque, c'est le feu. Mais ça tombe bien parce que c'est ce qui nous arrive quand on est mort. Non? Vous êtes pas feu? C'est pas moi qui le dis, hein, quand on dit quelqu'un feu un tel. Pourquoi on a utilisé ce mot-là? Et c'est sans doute pour ça qu'ici on s'éteint. Alors voyez, on a déjà une certaine démarche, et entendez bien le terme, je dis bien démarche, car le profane marche et l'initié démarche. Donc ça veut dire que si on démarche, on s'arrête. Et finalement, peut-être que la quête est la quête de l'immobilité. D'ailleurs, quand vous imaginez la sagesse, vous l'imaginez forcément un sage immobile. À tel point, c'est qu'on a tous l'impression que les pierres sont beaucoup plus sages que nous. On est tous les premiers à courir vers les minéraux en disant « Regarde comme ils sont plus forts, comme ils sont plus sages, comme ils ne font pas la guerre », ce qui est absolument faux, entre parenthèses, hein. Ils vont seulement pas à la même vitesse. Mais si on faisait une photo de pierre, et qu'on faisait une photo tous les mois, et qu'on les associait, eh bien on s'apercevrait qu'elles bougent. Non seulement elles bougent, mais c'est la guerre totale, hein. Nous, on a un vieux jugement judéo-chrétien en disant que les hommes, ils sont très très très très méchants, mais que le reste de l'univers est très très très gentil. C'est une blague, hein. On est tous à la même enseigne. C'est-à-dire que les pierres, quand vous avez, je sais pas moi, du grès qui rentre dans du gypse, ou plutôt du quartz qui rentre dans du gypse, il fait tout péter pour prendre la place, hein. Donc, les pierres sont pas plus sages que nous, elles vont seulement moins vite que nous. Mais vous voyez, on a associé la sagesse au non-mouvement. Et peut-être que la quête, justement, c'est la quête de l'immobilité. Et c'est pour ça que la mort, c'est quelque chose aussi proche, parce que la mort est aussi quelque chose d'immobile, finalement. Et pour conséquent, ça commence à nous mettre sur le chemin. C'est que finalement, nous, on est un peu agités. Si, si. Et ces agitations, en alchimie, on appelle ça du soufre. C'est pour ça que quand on le garde à l'intérieur de soi, on souffre. C'est la souffrance, le souffrance. Et la question, c'est comment on va éliminer son agitation pour trouver son immobilité. C'est peut-être ça le début de notre chemin, le début de la quête. C'était marqué dans le premier nom de l'homme, Adam. Alors je vais vous le faire en hébreu, vous me ferez confiance, sauf si vous connaissez les lettres. La première lettre de l'alphabet hébraïque, c'est un aleph, qui veut dire le mince filet de lumière. C'est la première lettre. Et derrière, il est marqué dans, dame. Dame, ça veut dire la terre ou le sang. Et le sang, c'est les mots, et les mots, l'émotion. Donc finalement, Aleph, dame, ça veut dire l'émotion de Dieu. Donc les hommes, nous tous ici, nous sommes l'émotion des dieux, l'émotion, l'agitation. Et si on veut retrouver le Aleph, c'est simple, il faut perdre l'agitation. Eh bien voilà, vous avez le mode d'emploi finalement. Si vous voulez trouver le Aleph, la première lettre de l'alphabet, l'immobilité, il va falloir perdre votre agitation. Et pourtant, l'agitation est quelque chose de nécessaire, parce que c'est la vie. La vie, c'est le mouvement. Et d'ailleurs, si j'essaye de vous transmettre quelque chose, non, j'essaye pas, jamais. On fait ou on ne fait pas. On n'essaye jamais de faire quelque chose, hein. Essayer, c'est se donner la possibilité de ne pas le faire. Donc, vous ne pouvez pas essayer. Vous faites ou vous ne faites pas. Donc, on transmet. Déjà, on parle de transmission. Ça veut dire que ça passe à travers nous et qu'on n'y est pour rien. Donc, on ne peut pas être vaniteux avec ça. Parce qu'évidemment, c'est quelque chose qui passe à travers nous. Et pour que ça passe à travers nous, il faut faire de la place. Ah, deuxième concept. On a vu qu'il faut perdre son agitation. On voit qu'il faut faire de la place. Faire de la place, c'est on veut se remplir de quelque chose, certes, mais pour se remplir, si votre coupe est déjà pleine, comment voulez-vous vous remplir? Donc la première quête sur le chemin, c'est d'être capable de se vider. Est-ce qu'on est prêt à se vider? Ça, c'est une autre paire de manches. Quand on commence une voie initiatique, c'est-à-dire quand on est finalement, quand on commence à vivre. Eh bien, nous, on se pose la question de qu'est-ce qu'on va trouver? Ce n'est pas la bonne question qu'on se pose. La bonne question, c'est qu'est-ce qu'on va perdre? Et la réponse, c'est tout. Même la forme. Est-ce qu'on est prêt à tout perdre? On va voir. Ça ne veut pas dire qu'on va le faire maintenant, hein. Mais on pourrait se poser la question, on va voir finalement ce qui vous attache. Si j'étais en train de vous dire, voilà, je vais vous apprendre quelque chose, d'ailleurs, je vais le faire enseignant. Oui, je donne mon sang finalement. C'est normal, puisque quand on donne son sang et qu'on n'a plus, on n'en a plus, on fait semblant. Donc pour ne pas faire semblant, évidemment, on donne son sang rouge et c'est pour ça qu'on transmet avec émotion et que vous apprenez par cœur. Encore une fois, si je vais trop vite, vous m'arrêtez, hein. C'est pour ça que je donnerai un moment pour les questions pour que vous puissiez souffler. Mais tout ça, vous voyez que c'est des mots, c'est un jeu, hein. Un jeu ou un jeu finalement. Mais ça nous donne des clés de transformation, des clés de travail qui sont vraiment essentielles, essentielles. Puisque finalement, on parle de la mort. La mort, on imagine qu'on va se déplacer dans un autre monde, qu'il va se passer autre chose, et c'est là où tout a été caché, puisque c'est confidentiel. C'est là que ça a été confié finalement. C'est là où on va marcher, c'est là où on va s'avancer, c'est là où on va bouger finalement pour perdre notre mouvement. C'est là où on va marcher pour s'arrêter, ce qui paraît bizarre finalement, hein. Je continue mon voyage. Vous remarquerez que la création a été faite en 7 jours, et le 7e jour, l'esprit s'est reposé. Et nous, on ne fait rien le 7e jour. Alors que se reposer, ça ne veut pas dire rien faire. Ça veut dire se poser à nouveau. Et pourquoi on est immobile alors? Parce qu'on s'est rendu compte que pour que la lumière rentre à l'intérieur d'un corps, il ne faut pas qu'il bouge. Donc il faut que nous soyons immobiles, et donc on a associé le repos à l'immobilité. Donc finalement, on va apprendre à se reposer. Ce qui est quand même pas mal, alors qu'on a toujours l'habitude de bouger, de courir après les choses. Alors que la voie de l'initié, finalement, est la voie de la mort, c'est-à-dire l'âme or. Eh bien, c'est pas de courir, mais de prendre tout ce qui passe. Vous savez, quand vous désirez quelque chose, je vous rappelle que le but du jeu, c'est de perdre son agitation pour trouver l'immobilité. Je vous le dis, on va voir après que c'est bien là notre quête. Alors que nous, on court après les choses, on désire des choses. Désirer quelque chose, c'est réserver la place pour l'accueillir. Mais si vous désirez sans que ça vienne, il reste que des trous. Et à force de désirer des choses qui ne viennent pas, vous êtes plein de trous. On dit qu'on est avide, forcément. Et celui qui est vide se plaint, forcément. Vous savez, on a toujours des gens partout, vous n'en êtes pas, bien sûr, qui disent toujours, moi j'ai pas de chance, il m'arrive toujours plein de trucs. Dès que je sors dehors, qu'il y a un malheur, c'est pour moi. Il y en a plein qui disent ça. Hein. Et non seulement ils sortent dehors, il y a un coup de vent, il y a une tuile qui tombe, il la prend sur la figure, il est content. Il dit, je vous l'avais bien dit. Donc finalement, on a un pouvoir d'auto-nuisance qui est incroyable. Hein. Et on croit finalement que le but du jeu, ça va être de désirer des choses en permanence. Alors non, on ne va pas le faire, nous on désire rien, mais par contre on prend tout ce qui passe. Ah, c'est pas mal de prendre tout ce qui passe. Par contre, il faut le lâcher quand ça vous dépasse. Ah, ça c'est intéressant. Parce qu'évidemment, avant que je vous parle de la mort, je suis obligé de vous parler de la vie. Vous m'excuserez. Puisque évidemment, on va être dans ce monde-là, un monde d'agitation. On a vu avec le nom d'Adam que pour continuer son chemin, il va falloir perdre son agitation. Et la question c'est, bah, comment on va faire? Avant de mourir, autant y arriver dans de bonnes conditions. Hein, j'allais dire que vaut mieux être un bon vivant qu'un mauvais mort. Donc ça veut dire qu'avant d'arriver à la mort et de se poser la question de savoir comment on va mourir, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? C'est pas mal de se poser de la question, qu'est-ce qu'il y a ici? Et puis comment on va vivre au moment présent? Et là, ça nous rapproche de la sagesse, ça nous rapproche des pierres. Je vous ai dit que le 7e jour, l'esprit se reposa. Donc ça veut dire que pour que l'esprit tombe à l'intérieur de chacun d'entre nous, il faut que nous soyons immobiles. Un peu plus, immobiles, silencieux ou alignés. La question, c'est comment on va faire pour trouver cette immobilité alors qu'on passe notre vie à être agité. Alors on a trouvé un truc. Moi, je suis plein d'émotions, je ne sais pas quoi en faire. Enfer, c'est le bon mot d'ailleurs. Enfer et enfermé, c'est le même mot, donc on va régler ça tout de suite. N'ayez pas peur d'aller en enfer, vous y êtes. Eh oui. Mais pas au sens chrétien du terme, on est là pour vous punir. Enfer et enfermé, c'est le même mot. C'est-à-dire quand vous tournez en boucle, quand vous tournez en rond, quand vous ne trouvez pas de solution. Entendez bien le terme solution, solution, dissoudre. C'est-à-dire que finalement, on est épais. Et ici, au Québec, épais, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Hein. Donc on est un peu épais, c'est pour ça qu'on ne comprend pas la voie. La voie est simple, nous sommes complexes, c'est pour ça qu'on en a d'ailleurs des complexes. Comment on va trouver cette simplicité? Comment on va trouver cette immobilité? Comment on va trouver cet amour? Comment on va trouver cette unité? Alors qu'on est complètement agité et que bien souvent on pense qu'à soi. C'est vrai, qu'est-ce qui est plus important que moi? Et on va s'apercevoir finalement que la transmission n'est pas avec moi, puisque transmission, ça veut dire traverse pour laisser passer quelque chose. On nous dit aussi dans des textes, hein, je sais que vous avez eu une chape religieuse importante ici, et je dis bien une chape, on voit que toutes les insultes sont religieuses, c'est donc un règlement de compte finalement. Hein. Juste à justifier, entre parenthèses. Hein. En aucun cas, j'engage la foi. Hein. La foi ne se discute pas. Hein. Par contre, les clergés divers et multiples, je ne suis pas tout à fait d'accord avec, même s'il y a des gens très éveillés. Mais en tout cas, pour vous dire que cette notion de chape qu'il y a au-dessus de nous, eh bien, elle est réelle et il va falloir la percer pour aller voir de l'autre côté. On va dire persévérer, ça veut bien dire quelque chose, non? Percer et vous verrez. Alors, percer quoi pour voir quoi? On va y venir. Donc la première chose, c'est comment bien vivre finalement. La première chose pour bien vivre, c'est vivre l'intensité du moment présent. D'ailleurs, quand on fait un cadeau à quelqu'un, c'est toujours un présent. Jamais un passé, ni un futur. Celui qui vit son présent ne regrette rien, ni n'espère rien. Si toute votre vie, vous dites demain, ça va être bien, aujourd'hui est toujours mauvais. Si vous regrettez quelque chose en permanence, vous ne vivez jamais votre présent. Donc la quête est vraiment celle du moment présent. Est-ce que vous êtes heureux au moment présent? Alors je reviens à la proposition de tout à l'heure en disant à quoi vous êtes attaché. Finalement, c'est je vais le savoir tout de suite. Voyez, on va faire une expérience. Vous ne le faites pas, c'est une image. On dépose nos affaires, on dépose nos cellulaires, on a le temps de prévenir personne. Et là, je vous dis, voilà, on va partir sur les routes. J'ai plein d'histoires à vous raconter. Et sur ces routes-là, vous avez le temps de prévenir personne pour qu'on parte. Vous n'avez pas le temps de passer même un coup de cellulaire. Hein. Et on ne sait pas combien de temps on va partir. Vous voyez tout ce qui passe dans votre tête, là? Eh bien, ça, c'est tout ce qui vous attache. Est-ce que c'est juste ou pas? Ce n'est pas mon propos. Mais vous voyez que sur un chemin, nous, un chemin de liberté, un chemin, on va venir à la mort. Bien mourir, c'est de ne pas être attaché non plus. C'est pouvoir continuer son chemin. Et donc, qu'est-ce qui vous attache dans notre vie, dans votre vie? Oui, bien sûr, on a de la famille, on a des enfants, on a des conjoints, on a des voitures, on a des crédits, on a des maladies. Finalement, tout ça, c'est des choses qui nous attachent. Hein. D'ailleurs, quand vous avez, certains ici sont des thérapeutes, et que vous avez un patient qui vient vous voir, et il va vous dire, je vais vous parler de ma maladie. La seule chose qu'on peut lui dire, bah, c'est garde-la. Hein. Mais oui, c'est ma maladie, je ne vais pas lui retirer non plus. C'est à lui, et peut-être que c'est la seule manière qu'il a d'échanger avec les autres, à travers sa maladie. Entre parenthèses, l'erreur la plus grossière qu'on puisse faire, c'est que toute la famille tourne autour de la maladie. Et c'est souvent ce qu'on fait quand on a quelqu'un de malade dans une famille, tout s'arrête, hein, et tout tourne autour de la maladie. C'est une erreur, c'est une errance. L'idée, au contraire, c'est de le ramener sur le chemin. Je vous rappelle que quand on ne peut plus rien faire pour quelqu'un, on dit qu'il est perdu. On ne dit pas qu'il est malade. Donc s'il retrouve son chemin, il n'est plus malade, puisqu'il était perdu. Donc peut-être qu'il y a une manière de retrouver le chemin, mais on n'a aucune chance de retrouver le chemin si tout le monde a le nez coincé sur la maladie. On revient dans le fait de l'enferme. Enfer et enfermé fait qu'on tourne en boucle. Et l'idée, ce sera de trouver la sortie de l'enfer, dont je parlais tout à l'heure, l'enfermement. Alors finalement, cette agitation, parce que cette agitation qui va tourner en boucle à l'intérieur de la maladie, ça sera notre premier travail, nous apprendre à nous débarrasser de ça. Alors on avait déjà un truc pour s'en débarrasser, on appelle ça la culpabilité. Bah oui, vous savez, moi je sais pas quoi foutre de mes émotions, ça tombe bien. J'ai des gens autour de moi. Et je vais créer des liens avec ces gens, et à travers ces liens, je vais pouvoir avoir le plaisir de refiler mes poubelles. Un exemple, mère, fille, c'est un exemple au hasard. Hein. La mère, elle a plein d'émotions, elle ne sait pas quoi en faire, et elle a une fille sous la main. Ça tombe drôlement bien. Alors qu'est-ce qu'elle va faire? Elle peut se mettre en colère avec. C'est une manière de transférer de l'émotion. Mais elle peut l'empêcher d'agir aussi. À chaque fois que la fille va vouloir faire quelque chose, la mère va dire « laisse, laisse, je vais le faire ». Mais la fille qui avait fait de l'émotion, de l'énergie pour être capable de dissiper cette énergie, et qui ne va pas le pouvoir le faire, eh bien qu'est-ce qu'elle va faire de cette énergie? Cette énergie va se retourner contre elle. Elle va faire des inflammations, des éruptions, des brûlures, donc des feux à l'intérieur. Alors à un moment, ça tombe bien parce que la fille, elle n'en peut plus, elle est pleine comme ça. Elle a fait toutes les maladies rouges possibles et inimaginables. Donc qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va couper le lien avec la mère. Et qu'est-ce que va faire la mère? Ben, ça ne l'arrange pas du tout qu'on ait coupé le lien. Hein. Mais alors pas du tout. Parce que toutes ces émotions dont elle voulait se débarrasser, eh bien, elle ne peut plus. Donc qu'est-ce qu'elle va faire? Culpabilité. Ah ben maintenant, je peux bien mourir. Hein. Tu t'en fous de moi. Hein. J'ai tout fait pour toi. Et nous, bien sûr, aujourd'hui, on va entendre « j'ai tout fait pour toi, j'ai tout fait ». Oui. Je vois qu'il y en a qui connaissent leur mère ici. Celui qui cherche la voie et qui va trouver la lumière et donc qui va être capable de bien mourir, eh bien, va être transparent. Celui qui est transparent, c'est celui qui traverse les apparences. Mais c'est celui qui n'a plus besoin de ses parents non plus. Alors ses parents, on peut les entendre ses parents aussi, hein. Ça ne veut pas dire que tous les parents sont ses parents, mais ça veut dire que, un, les parents doivent se rendre compte qu'ils font des enfants pas pour eux, et que les enfants doivent se rendre compte que ce n'est pas parce qu'on devient des parents qu'on est spontanément intelligent, sympathique, pas du tout. Hein. Je veux dire, il y a des gens qui sont épais dès le début, ils ont des enfants, ils sont épais pareil. Hein. Il n'y a aucune raison que ça change. Hein. Alors mesdames, tout de suite, je vous prends à partie en disant, vous savez, les enfants considèrent la mère comme un dieu. Ça veut dire que ça ne peut pas être une femme. C'est-à-dire que par conséquent, quand vous vous comportez comme une femme, on ne vous le pardonne jamais. Et bien, vous le savez maintenant, donc comportez-vous comme une femme, puisque de toute façon, on ne vous le pardonnera pas. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que justement, ça vous permettra d'éliminer ces émotions et de bien mourir finalement. Je ne vais pas dire que la vie, pardon, sert à préparer la mort, hein. Mais ça veut dire qu'y arriver serein, finalement, ce n'est pas une mauvaise chose, hein. Comment voulez-vous si on a tout un package derrière nous d'émotions qui ne sont pas les nôtres? Donc, il va falloir disperser ces émotions. Alors, quand je vous ai dit mère-fille, ça marche très bien dans les couples aussi, ça marche très bien avec les enfants, ça marche très bien avec les amis. Vous savez, vous avez la bonne copine qui vous appelle, elle a des émotions jusqu'au trou de nez, et pendant 2 heures, elle vous parle. Et au bout des 2 heures, elle vous fait « Ah, ça m'a fait du bien de vous parler », elle raccroche. Et vous, vous vous retrouvez avec le paquet. Et là, pas de chance, il y a votre conjoint qui passe devant. Ou un enfant, ou un chien, n'importe quoi. Là, qu'est-ce que vous allez faire, toutes ces émotions que vous avez partout, là? Bah, celui qui passe, il va prendre, hein. Donc vous allez faire une colère qui n'est pas à vous, finalement. C'est-à-dire que toutes ces émotions que vous avez, vous allez les rejeter sur quelqu'un d'autre, mais ce n'est pas à vous, ce n'est pas votre problème, hein. Donc nous, on a cette propension, mais on a été élevé comme ça, hein. Côté judéo-chrétien, ça va bien, hein. Et ça commence mal, hein. On arrive ici, dans ce monde, il faut se racheter. Mais qui m'a vendu? Il faut gagner sa vie, ça va pas, non? Vous vous rendez compte déjà le passif qu'on a avant? Donc on oublie tout ça, hein? Quand je reprends l'histoire de l'enfer, ça ne tient pas une seconde, hein? Je nous dis ça entre nous, hein? Vous savez, si vous arrivez aux enfers, vous avez fait le mal toute votre vie et vous êtes puni, ce n'est pas possible. Vous avez fait le mal toute votre vie, l'enfer c'est l'endroit où il y a le mal, donc vous êtes reçu à bras ouverts, hein? Bah, c'est obligé. Par contre, si vous êtes puni, ça veut dire que le diable est aux ordres de Dieu, ce qui pose un léger problème théologique. Donc on voit que c'est aussi... ça ne veut pas dire qu'il faut faire le mal, hein. C'est pas ce que j'ai dit, hein. Mais ça veut juste dire que on est sous des systèmes qui ont été des systèmes religieux et des systèmes politiques, mais qui ne sont pas forcément justes. Vous savez, ça commence par le péché. Déjà, ce n'était pas un péché, parce qu'en Judée-Samarie, il n'y en a pas beaucoup des péchés. Donc, ce n'était pas un pommier non plus, parce qu'il y en avait encore moins. C'était un grenadier. D'ailleurs, la grenade, elle nous a sauté à la figure. Nous, les hommes, on l'a toujours gardée en travers de la gorge, c'est la pomme d'Adam, vous savez. Elle est toujours là. Et on s'aperçoit finalement que cette idée du péché originel ne tient pas non plus, hein. Je vous explique tout ça pour bien mourir, hein. Vous vous rendez compte, si on part déjà avec un passif, un péché, hein, ça fout mal. Déjà, notre vie nous permet de nous remplir d'un certain nombre de choses. Alors évidemment, c'est un arbre, hein, et cet arbre-là, c'est l'Éternel qui l'a mis là. Mais l'Éternel, il est omniprésent, omnipotent, c'est-à-dire qu'il sait tout ce qui va se passer. Sinon, ce ne serait pas l'Éternel. Donc s'il l'a mis, il savait qu'on allait y toucher, hein. Donc s'il l'a mis, c'est qu'il l'a fait exprès. Et c'était facile de ne pas le mettre là, cet arbre. C'était facile de le mettre dans un endroit le plus inaccessible possible. Et pourtant, on nous l'a collé sous le nez. Et je vous rappelle que ce n'était pas interdit, c'était juste défendu. Mais ce n'est pas la même chose. Défendu, c'est qu'il y avait des défenses. Mais si on est capable de passer à travers les défenses, on peut prendre ce qu'il y a derrière, puisque ce n'est pas interdit. Et entre parenthèses, le fruit défendu, c'était des taureaux ailés avec des épées flamboyantes. Donc Ève, hein, elle a dû faire du charme quand même, hein, pour y aller. Elle ne s'est pas juste penchée pour attraper un fruit, hein. Il a fallu qu'elle passe ses défenses. Alors ça ne tient pas une seconde. En réalité, on a voulu nous dire quelque chose qui est une expérience vivante ici pour nous. Justement notre vie, notre mort, c'est qu'il y a 3 arbres. Le premier arbre, c'est l'arbre de la vie. L'arbre de la vie, c'est quoi qu'on fasse, on est heureux. Le deuxième arbre, c'est l'arbre de la connaissance. C'est celui-là qu'on a croqué. Et ce qui veut dire que maintenant, pour être heureux, il faut qu'on ait une raison. Et le troisième arbre, c'est l'arbre de l'homme. Quoi qu'on fasse, on n'est pas heureux. Ben, c'est pas compliqué, il faut remonter dans l'arbre. Et tout notre travail, ça va être celui-là. Être capable de passer au-delà de l'arbre de l'homme. L'arbre de l'homme, il est géré par notre mental. Vous savez, Toto, là-haut, il y a un petit personnage qui est toujours dans votre tête. Et qui vous dit, faut pas faire ça, t'as pas le droit, c'est interdit, tu peux pas recevoir de cadeaux, tu le mérites pas. C'est notre ego. Je vais en parler beaucoup de l'ego après. C'est le seul qui nous rend pas égaux. L'ego cherche la différence et notre cœur cherche le semblable. Peut-être que notre quête, elle est là, hein. Alors voyez, on est déchiré en permanence entre vous êtes différent de moi et pourtant vous êtes semblable. Et là, ça va être très important dans notre chemin vers la mort, parce que vous verrez à un moment, il y a le jugement. Mais j'y reviendrai, ça c'est juste pour laisser flotter cette histoire de doute. Donc lors de notre chemin, le premier travail qu'on doit apprendre pour bien mourir, c'est perdre ses émotions. Eh bien, ce n'est pas possible. Parce que si vous avez des émotions, vous avez une grande colère, comment je vais faire pour la dissiper? C'est dommage. Vous avez une énorme énergie. Pourquoi pas l'utiliser à autre chose? Eh bien, tout le but du travail, tout le but de ma quête, le but de l'alchimiste, c'est la transmutation. Et non point la transformation. La transmutation, c'est prendre une énergie qui détruit pour en faire une énergie qui construit. Vous avez une grande colère, eh bien, pourquoi vous ne construiriez pas quelque chose avec cette grande colère? Toute cette énergie qui servait à détruire, si on bâtit avec, eh bien, ça marche et vous n'êtes plus en colère. Vous avez remarqué que les émotions, c'est jamais que de l'énergie de base. Hein. Quelqu'un est très en colère, je lui jette un seau d'eau froide, ça le calme. Hein. Mais pourtant, il a toujours les mêmes raisons d'être en colère. Hein. Pourquoi? Parce qu'il vient de transmuter l'énergie de la colère en énergie thermique pour maintenir sa température. Tous les gens qui sont en train de s'entretuer à droite et à gauche, là, si on les mettait... je sais pas, moi, par moins 40 dehors, je suis sûr qu'ils s'entretueraient plus du tout. Hein. Mais il y a une raison à ça, c'est que l'énergie de la colère, l'énergie de la violence, l'énergie de la vengeance, eh bien, ils auraient besoin de l'utiliser pour maintenir seulement leur propre température. Donc, voyez qu'il suffit juste de prendre une énergie pour en faire autre chose et que ça peut se faire d'une manière mécanique. Et c'est un gros avantage. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de la psychanalyse. J'espère qu'il n'y a pas de psychanalyste ici. Parce qu'évidemment, psychanalyse, on est les enfants de la psychanalyse, mais la psychanalyse, c'est le 19e siècle. Hein. Avant, on se demande comment on vivait. Hein. Et finalement, l'idée, maintenant, on est malheureux, on nous explique pourquoi. Bon. Et alors? Bah, je suis malheureux et je sais pourquoi. Oui. Et alors? Donc l'idée, c'est pas seulement de connaître le problème, c'est d'être capable d'en sortir. C'est pas seulement de savoir qu'on est en enfer, c'est de trouver la porte. Et finalement, pour pouvoir voir ce qu'il y a à l'extérieur. Alors le premier travail, je vous ai dit, c'est de dissiper ses émotions. Et la question c'est, ben, comment on fait pour dissiper ses émotions? En gros, pour l'alchimiste, pour la quête, il y en a sept. Il y a sept étapes entre la matière et la lumière. D'ailleurs, quand on commence notre chemin, nous, et vous aussi sans doute, on le commence à l'endroit où il y a le moins de lumière. Parce que sinon on serait ébloui. Et l'endroit où il y a le moins de lumière, c'est au nord. Ça tombe bien, je suis dans la bonne hémisphère. Quand je suis dans l'autre, c'est un peu plus compliqué pour expliquer. Mais c'est vrai que ça marche, mais ce n'est pas les mêmes symboles. Mais c'est au nord. Et au nord, il y a une étoile particulière, qui est la polaire. Et cette étoile est immobile. Vous voyez, on revient à cette notion, il faut être immobile pour recevoir la lumière. Mais le nord, ça porte un autre nom. Ça s'appelle le septentrion. Écoutez bien. Septentrion. Sept en trois en un. Donc ça nous donne le mode d'emploi. Tu passeras sept étapes, tu feras trois passages, et tu trouveras l'unité. Les sept étapes, je vais vous les donner. Les trois passages, c'est tout ce qui est autour de nous. Tout ce qui est autour de nous, on appelle ça la matière. Vous entendrez l'âme à tiers, un tiers d'âme et deux tiers d'autre chose, donc trois passages. Forcément, ils vont, vous serez des apprentis sages. Et bien sûr, vous ferez trois passages. Et ça tombe bien parce qu'au bout des trois passages, on va trépasser. Et trépasser, c'est ce qui nous intéresse. Puisque pour renaître, il faut d'abord mourir. Mais mourir à quoi? On parle de la mort des apparences. On parle d'une mort apparente. Mais les apparences, c'est l'image. Donc c'est comment on va dissoudre cette image, comment on va traverser les apparences par trois passages pour trouver l'unité qui est derrière. Alors pour ce faire, il y a sept étapes, et je vais vous les donner maintenant. La première étape, la plus importante, la plus difficile, puisque c'est celle de notre monde, juste au-dessus de notre monde, c'est dépasser la peur. Alors pour dépasser la peur, on peut utiliser évidemment des manières psychologiques, mais on peut utiliser des manières techniques. Chaque épreuve correspond à un métal, à une couleur, à une forme géométrique, à un dieu, à un archange, à tout ce qui marche par sept, à un nain de Blanche-Neige. Eh oui. Mais oui. Et vous savez, il a fait Blanche-Neige et les sept nains. Mais en réalité, ce n'est pas des nains, c'est des gnomes. Et gnome de gnose. Et gnose, la connaissance. Et vous savez que pour trouver la lumière, justement, pour bien mourir, c'est quand même un comble de parler de ça. Hein. Je ne vous fais pas une secte où on doit tous se suicider après, hein, je vous rassure. Mais pour bien mourir, il faudra passer à travers ces sept épreuves. Et pour les alchimistes, on appelle ça le vitriol. Et quand on parle de vitriol, bien sûr, ce n'est pas l'huile de verre, l'acide sulfurique. Mais c'est les initiales d'une phrase. Visita interiora terrae, rectificando in veni occultum lapidem. Je peux le faire lentement si vous voulez. Qui veut dire visite l'intérieur de la terre et en rectifiant tu trouveras la pierre occulte. Ce qui veut dire visite l'intérieur de toi-même et en te rendant juste tu trouveras la pierre cachée. Donc finalement, c'est le mode d'emploi. Il va falloir qu'on regarde l'intérieur de soi-même. Alors, on n'est pas New Age du tout, nous. Hein. On ne cherche pas notre enfant intérieur. J'ai bien cherché, j'ai pas trouvé, je sais pas où il était caché. Hein. Donc, on va avoir des techniques qui ne sont pas des techniques de projection ni de psychanalyse. Ça sera souvent mécanique. Alors, je reviens à mes sept nains. C'est quoi leur métier? Vitriol. Puisqu'ils creusent l'intérieur de la Terre pour chercher des pierres précieuses, c'est bien leur métier, non? Donc finalement, quand Walt Disney nous a raconté ce conte-là, il est en train de nous raconter le mode d'emploi que je suis en train de vous raconter là. Au début, elle s'appelle Blanche-Neige, hein. Ça veut dire qu'elle est pure, hein. Elle va passer par trois étapes. Forcément, parce que je vous rappelle qu'avant qu'elle naisse, il y a sa mère qui est devant une fenêtre, la fenêtre est d'ébène, dehors il neige, elle se pique le doigt, et elle dit « J'aimerais bien avoir une fille qui a les lèvres rouges comme le sang, les cheveux noirs comme l'ébène, et la peau blanche comme la neige. » Trois couleurs et trois étapes. Et après, Blanche-Neige, évidemment, elle se fait chasser du palais par la vilaine sorcière. Et la vilaine sorcière, c'est qui? C'est notre ego. Hein. Je vais y venir encore à l'ego. Vous savez, c'est pour ça qu'elle se regarde dans le miroir en permanence et qu'elle dit « Est-ce que je suis la plus belle ?» Elle se fout finalement de la beauté intérieure. Elle, c'est l'extérieur, c'est les apparences. Et c'est pour ça, un jour, ça ne lui plaît pas parce que le miroir lui fait une réflexion, ce qui est un minimum. Ben, un miroir qui réfléchit, c'est quand même. Et c'est bien ce qu'il fait. Il lui fait une réflexion et il va nous donner une clé très très importante parce que Blanche-Neige, elle se fait mettre à la porte et elle passe à travers la forêt, elle trébuche sur des pierres et elle croise des animaux qui ne lui font pas de mal, donc minéral, végétal, animal. Et elle retrouve les sept nains, donc les sept étapes qu'elle a à franchir. Et quand elle l'aura franchie, elle recevra la lumière. Elle va le recevoir comment? Avec le beau prince charmant. Et le beau prince charmant, il est beau, hein, mais il est surtout très aimant, j'oserais dire très attirant. Donc s'il est très attirant, il doit attirer quelque chose. Peut-être quelque chose extérieur, la fameuse lumière dont on parle, ce qu'il y a de l'autre côté de la mort, j'ai bien de l'autre côté. Et là, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet que je n'ai fait qu'effleurer. Si, si. Vous habitez tous quelque part, vous, oui, hein? Quand je vous dis de quel endroit tu viens. Mais si vous habitez un endroit, c'est que quelque part, il y a un envers. Forcément. Eh bien, notre quête n'est pas la quête de l'endroit, mais la quête de l'envers. Et ça nous donne déjà une clé qui est la clé de la couleur verte. À chaque fois qu'on verra cette couleur verte, eh bien, il y a une clé à trouver. Quelque chose de particulier à trouver derrière. Ça va dépendre où on va mettre le où. Puisque le où nous donne la direction. Si je suis dans la bulle, c'est vers où. Par contre, si je regarde dehors, c'est ouvert. Vous voyez qu'il n'y a que le « où » qui change. Alors, je vais vous parler de la création de l'univers. Sauf si vous avez des questions avant. Je ne veux pas vous interloquer, c'est juste. Si avant, il y a quelque chose, une précision. Oui. Oui, je vais y revenir, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Les sept étapes, est-ce que je vais y revenir? Oui, je vais évidemment y revenir. Mais avant, il faut que je vous donne... Oui, voilà, vous prendrez le micro. Ou je répète la question, c'est comme vous voulez. Donc je vais revenir bien sûr aux sept étapes. Il y avait une autre question. C'était la même chose? La même question. Donc pourquoi je me suis arrêté à la peur? Parce que la peur, c'est la première bulle à franchir. Je m'explique. Avant le début, il y avait tout et il n'y avait rien. On ne sait pas puisqu'on n'était pas là. Un éternel moment présent. Tout et rien, c'est la même chose. On ne peut pas l'appréhender. Puisque dans tout, vous y êtes forcément. Et quand vous êtes dans quelque chose, vous ne pouvez pas en parler. C'est comme l'amour, la vérité ou l'unité. Si moi je veux vous parler d'amour, là j'en suis sorti pour que je puisse vous en parler. Donc je n'ai qu'un point de vue. Alors que quand je suis dedans, je ne peux pas en parler. Vous voyez le paradoxe? C'est la même chose avec la connaissance ou la vérité. On ne peut avoir soit qu'un point de vue quand on en est sorti, soit quand on est dedans, on ne peut pas en parler. Un autre exemple qui va peut-être vous parler. Vous êtes en train de peindre un tableau, vous êtes en train de faire la cuisine, vous êtes en train de jardiner, et vous êtes dans ce que vous faites. Et moi j'arrive et je vous demande, tu fais quoi? Vous êtes incapable de me répondre. Vous êtes obligé d'arrêter, d'en sortir, regarder ce que vous faites et m'en parler. Et ça va être une différence très importante au niveau du chercheur. Le technicien s'observe pendant qu'il fait quelque chose, alors que l'artiste est dans ce qu'il fait. Et voilà une autre clé. Est-ce que vous êtes dans ce que vous faites ou est-ce que vous vous observez en train de faire les choses? Ça nous donne une clé importante de vie aussi. Est-ce que vous êtes dans ce que vous faites, j'insiste, ou est-ce que vous vous observez pendant que vous faites les choses? On aura aussi cette distance quand vous êtes dans ce que vous faites, vous êtes dans l'éternel moment présent. Quand vous vous observez en train de faire les choses, vous êtes dans la chronologie, c'est-à-dire la logique du temps, donc avec votre mental. Donc à chaque fois qu'on se pose la question de savoir est-ce que je suis en état de tête ou en état de cœur, quand vous êtes dans le temps qui passe, c'est la tête. Quand vous êtes dans l'instantané, c'est le cœur. Donc ça répond à la question, oui, mais alors quand je sais que je suis sur une bonne voie, ben, quand vous êtes dedans, vous êtes une bonne voie. Quand vous vous observez, vous êtes une mauvaise voie. Un exemple, le bonheur. Vous savez que le bonheur, c'est la bonne heure. Et la bonne heure, c'est forcément la perception du moment présent. Donc, vous êtes dans chaque chose et chaque chose est en vous. Mais si vous vous posez la question de savoir pourquoi vous êtes bien, vous ne l'êtes plus. Vous avez déjà vécu cette expérience. Puisque le bonheur, c'est le moment présent, et s'interroger sur le bonheur, ça va être une interaction avec mon mental qui est chronologique, qui a donc la logique du temps. Et l'idée, ça sera d'être capable de passer de l'un à l'autre, c'est-à-dire de l'instantané à la logique du temps, ou plutôt dans l'autre sens. Dans notre vie de tous les jours, on mesure et on pèse toujours les choses, dans une quête, et vous verrez ce qui va nous conduire vers la mort, c'est la perte de la notion du temps. Et finalement, la mort par elle-même, c'est le temps ne s'écoule plus, ou en tout cas, il s'écoule différemment. Je recommence donc à la création de l'univers, rien que ça, hein. Là, on est avant, donc le temps ne s'écoule pas. C'est l'éternité, l'éternité, c'est-à-dire l'éther sans la terre. Il se passe rien. Oui, il se passe tout. Pour une raison qu'on ignore, quelque chose s'agite. Il y a un premier mouvement, et cette agitation crée une bulle. Ça y est, l'univers est créé. Mais maintenant, il y a une différence entre l'intérieur de la bulle et l'extérieur. Ce qui veut dire que maintenant qu'il y a une différence, ça ne peut plus s'appeler l'unité. Tout ce qui est à l'extérieur, ça s'appelle la lumière, et tout ce qui est à l'intérieur de la bulle, ça s'appelle la matière. Eh bien nous, on est à l'intérieur de la bulle. Donc, à l'endroit, c'est l'intérieur de la bulle, à l'envers, c'est la lumière qui est à l'extérieur. Et notre but, finalement, c'est de percer la peau de la bulle pour passer de l'endroit à l'envers. Imaginez des bulles dans un océan. Vous pourrez constater que ces bulles sont séparées les unes des autres, mais que l'océan fait toujours un. Ben notre but, ça sera de persévérer, de faire un trou à travers la peau de la bulle pour passer de l'intérieur à l'extérieur. Quand on lit les textes, on dit il sépara la lumière des ténèbres. Vous pouvez constater que la lumière est unique et que les ténèbres sont multiples. Donc on va passer du fractionnement, le diabole, au rassemblement, le symbole, pour trouver la lumière qui est à l'extérieur de la bulle. Voilà ce qu'on doit faire. En réalité, la bulle, il n'y en a pas qu'une. Il y en a sept. On est un peu comme des poupées gigognes. Et la première bulle qu'on a à percer, c'est celle de la peur. Vous voyez l'histoire? Un autre exemple, on se pose jamais, on a du mal avec cette notion corps, âme, esprit. Quelle différence vraiment il y a entre tout ça? Le corps, on sait vaguement, hein. C'est ça, c'est une interface entre l'esprit et la matière. L'âme, finalement, on ne sait pas trop ce que c'est, et l'esprit encore moins. Alors on va faire une référence, on va prendre une bougie, cette bougie, on va l'allumer, on va dire que c'est l'esprit. Autour de cette bougie, on va mettre des plaques de verre. Les plaques de verre, c'est le corps. Et ce qui salit les plaques de verre, c'est l'âme. Ça va? Je recommence? À partir d'où? La bougie, c'est l'être. Les plaques de verre, c'est le corps. Et ce qui salit les plaques de verre, c'est l'âme. Ce qui veut dire de chacun d'entre vous, la lumière que je vois qui transparaît, c'est celle qui vient de la bougie et elle est unique, cette bougie. On a tous des corps différents. Mais l'âme, c'est-à-dire c'est nos émotions, c'est nos vies, c'est toutes les informations qu'on a, c'est cette épaisseur qui salit finalement le corps. Donc tout le travail, c'est de retirer finalement ces cochonneries. Et ces cochonneries, c'est vider son âme. Donc le but du jeu, c'est de vider son âme. Évidemment, si je nettoie suffisamment la plaque de verre, ben, à un moment, la lumière va passer à travers. Et si la plaque de verre est absolument propre, elle ne fait plus résistance du tout au passage de la lumière et le corps disparaît. Donc vous voyez que quand on va mourir, Finalement, le corps va disparaître, mais peut-être que les cochonneries qui sont là vont rester. Donc finalement, l'âme, je ne vais pas dire que c'est un sac de cochonneries, mais quand même, on va dire que c'est un sac de soufre, d'agitation, de mouvement. Parce qu'au début de l'univers, quand l'agitation est née, eh bien cette agitation, il faut aujourd'hui la dissiper pour retrouver l'unité. Donc je vous expliquerai, là c'est, ça m'est difficile pour moi de rentrer dans les détails, mais je vous expliquerai plus tard les détails de chaque chose. C'est-à-dire, c'est quoi l'âme? Comment on va la vider? Qu'est-ce qui se passe vraiment quand on meurt? Je vais un peu survoler ça, hein. Mais il y a un mécanisme bien rodé et rien ne se fait au hasard. Et vous allez voir que le but du jeu, ça sera vraiment de vider son âme. Alors comment on va faire, nous, déjà à notre niveau? Je vais revenir un peu à l'explication en disant que, j'arrive tout de suite, il y a une sphère. Et, non, je vais revenir aux plaques de verre. Vous voyez, la bougie, les plaques de verre et les cochonneries. En réalité, les plaques de verre, il n'y en a pas une, mais il y en a sept. Et ce n'est pas forcément la première qui est sale. Je recommence. Si elles sont autour, c'est-à-dire que vous avez une bougie, les plaques de verre sont autour, mais elles sont, il y en a plusieurs. Il y en a sept. Elles ne sont pas toutes propres. Pour revenir à notre univers, ici, vous êtes dans une bulle. Mais en réalité, il n'y en a pas qu'une bulle. Il y en a sept. La vraie lumière est à l'extérieur et nous, on est comme un oignon, on est au centre. C'est comme ça. Alors, ce n'est pas parce qu'on est très très méchant, et d'ailleurs, on est toujours, nous, en train de se plaindre en disant ah oui, bah, vous vous rendez compte, on est dans un monde, c'est affreux, c'est horrible, mais on a déjà fait la moitié du voyage. Hein. C'est-à-dire qu'on est arrivé de l'extérieur, puis on est descendu jusqu'au centre. Ça, c'est la création. Puis une fois qu'on est au centre, on va repartir du centre vers l'extérieur. Ça, c'est la décréation. Ça sera notre but. Donc, arrêtez de vous lamenter en vous disant c'est affreux, c'est horrible, on est dans un monde qui est moche et tout. Vous avez fait la moitié du voyage. Il y en a qui descendent encore. Nous, maintenant, on n'a plus qu'à remonter. Plus qu'à remonter. On n'a plus que ça à faire. Donc, pour revenir un peu dans la pratique, on est comme dans un oignon. Il y a sept sphères. Ces sphères, elles sont transparentes, elles ont toute une couleur. La vraie lumière, quand elle passe de l'extérieur vers l'intérieur, elle se teinte sept fois. Et c'est pour ça que quand vous décomposez cette lumière, la couleur de l'arc-en-ciel que vous voyez, en réalité, c'est les sept couleurs des sept mondes au-dessus. On peut dire que quand on ira dans le monde d'au-dessus, il y aura une couleur de moins à l'arc-en-ciel. Alors, sans rentrer dans les détails pour ne pas vous saouler complètement, en réalité, pour l'alchimiste, la matière est une ombre. Nous sommes des ombres. Nous sommes des ombres de compte d'un obstacle. Ben forcément, puisque ici j'ai une sphère, si moi j'existe ici, c'est parce qu'il y a un obstacle quelque part qui est entre moi et la lumière. Et évidemment, quand la lumière éclaire, elle me projette. Dans les textes, vous savez, quand Satan s'est détourné du regard de l'Éternel, le fait qu'il se retourne fait qu'il projette une ombre. Et l'ombre, c'est Lucifer. C'est pour ça qu'il y a une différence entre les deux et que Lucifer s'appelle le porteur de lumière. Mais en réalité, c'est une ombre portée. Le profane travaille sur les ombres. L'initié travaille sur l'obstacle. Je recommence. Si je prends ce verre ici et que je veux le faire disparaître, je peux le casser, je peux le broyer, je peux mettre des acides dessus, je peux faire ce que je veux. Mais en réalité, ces composés seront toujours là. Donc je ne l'ai pas détruit, je l'ai seulement réparti autrement. Mais finalement, si ça s'est projeté par un obstacle, il me suffit de faire un trou dans l'obstacle pour que ça ne soit plus une ombre. Et à ce moment-là, ça disparaît. Vous voyez la différence? C'est très métaphysique comme vision. Et c'est pourtant la plus proche. Alors pour l'alchimiste et pour nous, en réalité, la matière n'est pas composée d'une ombre, mais de sept ombres. Et qu'à chaque fois que je purifie la matière, je retire une des ombres. Ça veut dire que si je prends un métal comme le plomb et que je lui retire une ombre, ça devient de l'étain. Si je lui retire une autre ombre, ça devient du fer. Si je lui retire une autre ombre, ça devient du mercure. Et ainsi de suite. Donc toute la nature des choses autour de nous ne dépend que de la quantité d'ombre. Mettez-le quelque part, ça. Alors pourquoi on est solide? Parce qu'une ombre par rapport à une autre ombre est solide, hein. La densité de la matière n'est pas forcément liée Justement, c'est pas forcément réel. Moi, je suis solide par rapport à ce monde-là parce que j'ai la même fréquence que ce monde-là. Mais si j'étais un peu plus dense, ce monde serait de la fumée pour moi. Si j'étais un peu plus subtil, c'est moi qui serais de la fumée pour ce monde. Donc vous voyez que la densité n'est pas forcément réelle. Mais j'y reviendrai. Il y avait une question par là-bas? Vous l'avez oublié? Oui. Non, j'ai pas dit que l'amour était une émotion. Tenez, profitez du micro. Je vous écoute. Alors, c'est quoi l'amour à ce moment? C'est quoi Bah, une d'ailleurs, émotion? ça s'appelle autrement. Alors, pouvez nommez-moi les émotions. Mais j'y viens, j'y vais le faire. Merci. Donc la première chose, émotion, c'est émo, le sang. Alors que amour, c'est âme, aour. En hébreu, ça veut dire celui qui laisse passer la lumière à travers son âme. C'est pas une émotion, l'amour, hein. Une émotion, toutes les émotions sont dans le mouvement. L'amour est dans l'immobilité. Vous avez deux personnes qui sont en amour, qui se regardent. Ils sont bien immobiles, on dit, ils sont seuls au monde. Ils sont plus dans le temps qui passe. Combien de temps on l'a fait, non? Vous regardez quelqu'un, votre amoureux et votre amoureuse, et là on se regarde pendant des heures, mais on n'a pas de notion du temps qui passe. Alors que quand on est dans l'émotion, ouais, là on a notion du temps qui passe, hein? Au contraire, hein? Donc c'est pas la même chose. Le mot amour, quand il s'écrit en hébreu, parce que ça vient du mot hébreu aour qui veut dire lumière. Et ce mot, on l'a compris de deux mots, parce que la lettre du milieu, le vav, peut se dire ou o. Donc ça fait amour et ça fait aour ou aor. Et donc c'est le mot or et le mot amour qui veut dire la même chose en réalité. D'ailleurs, c'est pour ça que les alchimistes, quand on dit tu vas transformer le plomb en or, en réalité c'est en aor. C'est-à-dire que notre but, c'est de transmuter la matière en lumière. C'est ça la finalité. Et pas du tout de faire de l'or. Même si l'or est un métal précieux. Et s'il est précieux, c'est qu'il est près des cieux. Et s'il est près des cieux, c'est qu'il n'est pas loin de la lumière. Donc peut-être que transmuter du plomb en or, c'est de transformer la matière en lumière. Si vous regardez comment est écrit le mot amour, il est écrit avec la première lettre de l'alphabet hébraïque qui ressemble à un X, le Aleph. La deuxième lettre, qui est le Vav, qui ressemble à un sourcil et un nez, qui est l'action de regarder. Et la troisième lettre, qui est le Resh, qui est la tête au-dessus du corps, et qui est le regard qui va loin. Donc ça veut dire quoi, le mot amour? Aleph, c'est la lumière. Vav, c'est voir de près. Resh, c'est voir de loin. Donc finalement, l'amour, c'est celui qui voit la lumière de près et de loin. Donc il voit la lumière partout. C'est ça, l'amour. Et c'est surtout pas une émotion. C'est ce qu'on cherche, c'est la lumière qui est dehors. Et justement, pour arriver à cette lumière qui est dehors, il va falloir traverser les sept couches. Et ces sept couches, c'est les sept émotions que je vais vous décrire maintenant. Alors, il faut savoir que ces émotions, elles sont à la fois positives et négatives. Alors, positif et négatif, ça ne veut rien dire. Positif, ça veut juste dire qu'il vient de l'intérieur vers l'extérieur. Négatif, ça veut dire qu'il va de l'extérieur vers l'intérieur. Mais ce n'est pas du tout qualitatif. C'est pour ça qu'on dit que la femme est négative et l'homme est positif. Alors évidemment, dans un système patriarcal, on a dit ouais, c'est nous les plus forts. Mais ce n'est pas du tout ce qu'on a voulu dire. On a juste voulu dire que l'énergie masculine, c'est l'énergie qui va de l'intérieur vers l'extérieur. Et l'énergie féminine, c'est l'énergie qui va de l'extérieur vers l'intérieur. Et c'est pour ça qu'on est complet en Terre. Si l'homme et la femme sont égaux, il y en a un de trop, si on fait la même chose. Alors que la femme va prendre le feu, la mettre dans le monde, et l'homme récupère ce feu et le met dans la matière. Donc on travaille ensemble, tout le temps. Alors je parle d'énergie positive et négative. Hein. Il peut y avoir un homme qui a une énergie féminine et une femme qui a une énergie masculine. On s'en fout, ça n'a pas d'importance. Mais l'important, c'est que c'est ce côté équitable. Quand on élève un enfant, pas quand on l'éduque, hein, mais quand on l'élève, ce qui n'est pas la même chose, la femme doit faire le travail intérieur et l'homme doit faire le travail extérieur. C'est la femme qui crée toute la spiritualité chez l'homme, toute la réflexion intérieure. Et l'homme, il prend l'enfant puis il l'amène dans le monde. Il lui fait voir ce qu'il y a à l'extérieur. Alors ça peut être interchangeable, mais il faut que ces deux fonctions existent. Sinon, ça ne marche pas. Si je le regarde dans la langue des oiseaux et que je marque homme et femme, la première chose que je constate, c'est qu'il y a les deux premières lettres qui changent, et c'est tout. Ça veut dire que la création, ça c'est le monde, la lettre E. matériel, spirituel, divin, qui relie l'unité. C'est pour ça que le E, c'est le monde. D'ailleurs, entre parenthèses, si je prends le matériel, spirituel, divin et que je retire la matière, il reste le F du feu. Donc ça veut dire quoi? La femme, c'est le feu et le E, le monde. Donc c'est la femme qui amène le feu dans le monde. L'esprit, le spiritus. C'est pour ça que la femme est toujours l'intercesseur entre les hommes et les dieux. Après, l'homme s'est rendu compte que c'était un pouvoir, il a pris pour lui. Mais à l'origine, c'est les femmes qui sont intercesseurs, voire les vestales, les pitis, toutes les intercesseurs entre les hommes et les femmes. Et là, le H, c'est l'équilibre. Et le O, c'est le corps et l'esprit. C'est l'élément O, mais c'est le corps dans la totalité. Donc le principe, c'est quoi? La femme fait descendre le feu, il le récupère, il fait l'équilibre, et grâce à son corps et son esprit, il le met dans la matière. Donc l'homme est toujours plus lourd que la femme. Elle, elle est l'esprit, lui, il est la réalisation. On voit dans la vie de couple, hein, comment on fonctionne. La femme, elle est dans le concept, l'homme est dans la réalisation. Donc la femme regarde le mur et dit « ça serait bien de mettre des étagères là ». Et l'homme lui comprend « va chercher une boîte à outils, fais-le ». Alors évidemment, ça l'emmerde parce qu'il est en train de faire autre chose. La femme est capable d'être dans le concept, dans le temps qui passe, l'homme non. Quand on lui dit « débarrasse la table », si on ne rajoute pas tout de suite, il le fait demain ou un autre jour. L'homme a un programme aussi. C'est-à-dire qu'il a un but et on ne peut pas mettre autre chose dans le but. S'il décide de sortir la voiture et que la femme lui dit « profites-en pour sortir les poubelles », ça l'énerve. Parce que lui, son programme, c'est de sortir la voiture et pas de sortir les poubelles. Donc vous voyez, on va fonctionner. Alors ça, quand on a compris ça, la vie de couple s'améliore énormément. Que la femme est dans le concept et l'homme dans la réalisation. Alors par contre, la femme étant dans le concept, elle ne veut pas de solution. C'est-à-dire, quand elle a un problème et qu'elle vous le donne, messieurs, surtout, c'est pas la peine de lui expliquer qu'est-ce qu'il faut faire pour plus avoir son problème. Parce qu'elle s'en fout complètement. Ce qui l'intéresse, elle, c'est qu'on l'écoute, pas qu'on lui dise comment faut faire. Alors que l'homme, lui, il comprend rien du tout. Parce que lui, il veut pas qu'on l'écoute, il veut qu'on lui dise comment faut faire. Donc, vous voyez? Il va y avoir un problème. C'est pour ça que quand un homme, par exemple, a un problème, la femme doit surtout pas lui dire « Non, mais mon chéri, c'est pas un problème, t'inquiète pas, ça va bien aller ». Lui, l'homme, il ne veut pas qu'on l'écoute. Donc, il va se retrouver tout seul dans sa grotte, il va s'enfermer, parce qu'il n'a pas besoin de conseils. Donc, vous voyez la différence. Bon, ça nous aide à vivre. Un autre exemple aussi qui est intéressant, et je vous donnerai ce dernier sur le comportement. Vous savez, il y a la femme qui fait tout dans la maison, c'est souvent le cas, et l'homme est assis devant le canapé en train de regarder la télé. Et puis, tout d'un coup, ils ont un chat, et puis il y a une caisse avec les granules du chat, là. Et puis, ça commence à sentir mauvais, il faut la changer. Alors que va dire la femme? Elle est dans le concept. Elle va dire à l'homme, tu trouves pas qu'il y a une odeur? Et l'homme qui est dans la réalisation, il va faire non. Alors évidemment, au bout d'un moment, ça fait faire de l'émotion à la femme. L'émotion, ça va la pousser à l'action. Et donc, elle va aller changer la caisse du chat. Et au bout de 6 mois, ils vont se séparer. Et le motif, ce sera, moi, à chaque fois, je te demandais de faire quelque chose, tu le faisais jamais. Et lui, il lui dira, mais tu m'as jamais rien demandé. Et les deux ont raison. Donc, mesdames, si vous voulez quelque chose d'un homme, il faut lui demander. Clairement. Genre, faut pas lui dire « il y a une odeur », faut dire « va changer la caisse du chat maintenant ». Sinon, ça ne marchera pas. Alors, au début, on voit quand un couple se forme, hein, on est au devant du désir de l'autre, donc c'est génial. Hein, parce que la femme n'a rien de besoin à demander, l'homme, il investit, il attend après le retour sur investissement. Mais toujours, vous avez remarqué quand même que la bague de fiançailles, c'est une promesse de vente. Oui. Puis après le mariage, bah, c'est la vente totale. Hein. D'ailleurs, il y a une dot, il y a un truc comme ça. La mariée a un paquet cadeau, un ruban, on ramène chez soi, on enlève le ruban, on joue avec. Hein. Mais d'un point de vue ethnologique, c'est exactement ça. En plus, c'est vrai, hein, en dehors de ça. Donc, quand on aura bien compris ça, entre le concept et la réalisation, vous allez voir que la vie de couple s'améliore énormément. D'ailleurs, dans un couple, quand ça ne va pas, on ne dit jamais « ça ne va pas », on dit « on ne s'entend pas ». Donc, l'idée pour s'entendre, il faut échanger. Donc, échanger, ici, il va chercher le feu, la femme apporte quelque chose, l'homme réalise et le met dans la matière. Alors, évidemment, ça, ça veut dire création, création, le monde, aime très fort ton monde. Ça, c'est ce qu'on nous dit à tous. Et comment on va le faire? Ça, c'est ce qu'on nous dit individuellement. Voilà comment le faire. Alors, en plaisantant, quand la femme a même le feu, l'homme a chaud, bien sûr. fait un petit moment, mais... Donc, la première sphère... Oui. Je crois que vous m'avez un peu perdu. À partir d'où? Non, mais c'est parce que, en fait, vous dites que, l'idée de... vous dites que l'idée de franchir les sept étapes, oui, c'est de laisser la lumière, donc extérieure, rentrer à travers ça. Mais est-ce qu'il existe aussi un concept de pouvoir imaginer que la lumière puisse venir de l'intérieur et aller vers l'extérieur? Parce qu'il y a quand même tout un monde... Oui, mais ça ne veut rien dire, ça, intérieur et extérieur, c'est valable dans la bulle. Mais à l'extérieur de la bulle, il n'y a pas d'intérieur ni d'extérieur, il n'y a pas de haut et de bas. Ça, c'est un concept pour qu'on puisse comprendre ça. Quand vous êtes dans une bulle, où que vous alliez... Quand vous percez la peau de la bulle, vous arrivez à la même chose. La lumière est unique à l'extérieur. Maintenant, on peut dire que le premier acte de création, c'est de la lumière qui se met en mouvement. Donc c'est aussi de la lumière. Donc on peut dire que nous sommes aussi composés de la même lumière. La seule différence, c'est que cette lumière qui nous compose est agitée, alors que celle qui est à l'extérieur est immobile. On peut dire que la différence entre l'unité et la création, c'est le mouvement. On peut dire que la création, c'est un cri dans le silence. Une vibration, une agitation, cette agitation se retourne sur elle-même, fait un nœud. Et en faisant un nœud, c'est de la lumière, mais cette lumière, elle prend plus de chemin dans un nœud qu'à l'extérieur. Donc elle rentre dans le temps qui passe. C'est pour ça qu'un des commandements qu'on a, c'est « tu ne prononceras pas le nom de ton Dieu ». Parce que le prononcer, c'est le mettre dans le temps. Et la différence, il y a cette notion de temps spatial, d'intérieur, d'extérieur, mais ça marcherait, ça serait réversible. Mais ça marche pareil. C'est difficile d'expliquer ça dans un espace euclidien, mais c'est un espace dont les dimensions ne sont pas humaines. Donc intérieur et extérieur, ça ne veut rien dire. À tel point, c'est que si vous ne tournez pas en rond, quoi que vous fassiez, vous arrivez à la peau de la bulle. Et la plus grande difficulté dans une voie de transmission, c'est de pas transmettre, mais c'est de permettre que vous trouviez votre chemin. C'est difficile parce qu'on a chacun des expériences et on a envie de transmettre ses expériences. Sauf que l'expérience est intransmissible. Expérience, ça veut dire à l'extérieur du père, tu trouveras l'unité en toi. Quand vous dites à un enfant, touche pas, tu vas te brûler, il n'a pas la moindre idée de ce que ça peut vouloir dire, se brûler. Donc ça veut dire que tant qu'il ne s'est pas brûlé, bah, il ne pourra pas vivre cette expérience. Bah, nous, c'est pareil. Donc, pour faciliter l'explication... Nous sommes à l'intérieur d'une poupée gigogne, de bulles concentriques comme un oignon. On est à l'intérieur et on va vers l'extérieur, même si ça ne veut rien dire. D'autres représentations que je reprendrai cet après-midi, c'est l'arbre des Séphiroth, c'est-à-dire une des représentations de l'univers. Mais les hindous, par exemple, vont parler des chakras. C'est la même chose. On peut dire qu'il n'y a qu'une seule connaissance qui s'habite de cultures différentes. Mais la connaissance est la même. Alors après, quel mot je vais utiliser pour parler avec vous? Donc il faut que j'utilise des symboles qui nous parlent. Voilà, et c'est pour ça que j'ai utilisé ça. Oui. Quand vous parlez des sept bulles, c'est, oui, c'est quoi la force qui fournit cette énergie-là à ces sept bulles-là? Parce que quand on prend ce concept du trois jours de noirceur, quand la Terre elle a arrêté de tourner dans une direction, elle est repartie, pendant ces fameux trois jours-là, c'est l'obscurité totale, donc la matière, elle n'est plus du tout perceptible, elle disparaît. Je veux juste savoir si vous avez une explication à ça par rapport au... c'est ça, on pense aux trois jours de noirceur, mais pourquoi la force électromagnétique est aussi importante dans la matière, dans les sept étages? Je vais y venir. Je veux dire, on peut avoir des explications pour tout. Il y a deux concepts. Le premier, c'est la perception. Aucune explication, vous percevez l'univers. La deuxième, c'est culturellement, on a des explications. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout mon propos là, mais c'est pour quand même nous mettre quelque part un truc. On est dans une civilisation de la réponse satisfaisante, même si elle est fausse. On s'en fout finalement. L'important, c'est que ça satisfasse notre manière de fonctionner. On pourrait dire qu'au regard de la création, on n'a pas la moindre idée de ce qui s'est passé. En gros, une agitation à partir de l'immobile. Ensuite, cette agitation se densifie. Et la densification crée les univers. D'un point de vue physique, c'est vrai aussi. C'est-à-dire, peut-être un Big Bang, on ne sait pas, un trou quelque part, une énergie arrive, cette énergie se répand dans un espace fini, et se répandant dans cet espace fini, elle s'agite à l'intérieur, elle crée des différences. Elle va créer, par condensation, un point. Ce point, ça va être un atome d'hydrogène. C'est-à-dire, ça vaut 1. Et l'énergie totale est déjà là. Et ensuite, par pression, ces atomes vont se combiner pour faire 2, de l'hélium, en créant de l'énergie. Et en créant cette énergie, il va y avoir différenciation, il y a des bulles qui vont se créer, qu'on va appeler des étoiles. D'abord, des nuages de gaz, ensuite, des galaxies, ensuite, des nébuleuses, ensuite, des supergéantes, ensuite, des étoiles, ensuite, des étoiles effondrées, neutroniques, pulsars, quasars. Donc, on voit que c'est comme un gaz qui se densifie progressivement, mais c'est la même chose. C'est-à-dire que l'énergie est également répartie, donc elle vaut 3 degrés Celsius. Et ensuite, elle se densifie. À l'endroit où elle se densifie, l'énergie monte en flèche. Prenez une pompe à vélo. Vous prenez cette pompe à vélo, vous la bouchez et vous comprimez. Vous allez vous apercevoir que quand vous comprimez, ça chauffe. Et pourquoi ? Parce que l'énergie qui était dans toute la pompe va se retrouver concentrée dans un espace plus petit. Donc, même énergie dans moins de place, plus d'énergie. Nous, on fait le contraire avec le massage. Vous avez mal quelque part. Ça veut dire trop d'énergie dans pas assez de place. Donc, ce que vous faites, bah, vous l'étalez. Et en l'étalant, vous avez moins mal. Ça ne veut pas dire que vous avez dissipé l'énergie, ça veut dire que vous l'avez mis dans plus d'espace. Je me brûle, je mets les mains sous l'eau froide, par exemple. Donc ça, c'est la raison physique de comment l'univers s'est fait. La raison métaphysique, les dieux se promenaient avec des oranges, et puis ils se sont pris les pieds. Les oranges sont tombées, les plus lourdes sont descendues le plus bas. Ben, nous, on est dans la plus lourde. On est en bas. Voilà. Alors après, il y a une autre question qui se pose, c'est la question de l'énergie qui a condensé tout ça. À l'extérieur de la bulle, il y a l'unité. C'est ce qu'on appelle la lumière. Mais cette lumière, quand elle vient en périphérie de la bulle, elle crée une pression. Donc, deuxième état de la matière. C'est plus de la lumière, mais ce n'est pas encore de la matière. Et puis, à force d'avoir créé de la pression, elle perce la bulle. Et là, maintenant, cette énergie qui était immobile se met en mouvement à l'intérieur de la bulle. Troisième étape, la matière. Donc on peut dire la lumière, une lumière plus dense qui n'est pas encore de la matière, et de la lumière agitée qui devient de la matière. Alors les physiciens appellent ça la lumière de l'extérieur, ils appellent ça l'énergie noire. La pression en surface, on appelle ça la matière noire. Et le reste, c'est notre univers visible. Ça veut dire donc que notre univers est plein de lumière, puisque nous, on dit que c'est la lumière, et cette lumière court après la matière. En réalité, elle exerce une pression. Pourquoi ? Parce qu'on peut imaginer qu'à la fin de notre univers ne va pas se terminer par un Big Crunch. Vous savez que Newton a défini la loi de gravitation universelle qui dit que tous les corps s'attirent. Donc ça veut dire que si tous les corps s'attirent, il y a des étoiles partout, elles vont finir par se retrouver au même endroit. Puis par la pression interne, elles vont s'écraser sur elles-mêmes et disparaître. Nous, on ne pense pas ça. On ne pense pas que tous les corps s'attirent, Newton non plus, il ne pense pas ça. Mais on pense que tous les corps sont repoussés au même endroit par la lumière. Et là, je reviens à une notion métaphysique, si je vous saoule, arrêtez-moi. Hein. Saint Christophe, vous connaissez l'histoire de Saint Christophe ? Vous savez, c'est une brute épaisse. Hein. C'est un grand barbu, là. Et puis, il fait passer les gens dans les rivières en traversant lui. C'est-à-dire qu'il les met sur son dos, puis il traverse. Donc, ça veut dire qu'il est costaud, hein. Et puis un jour, il y a un petit enfant qui arrive et il dit « j'aimerais bien traverser ». Bon, il rigole, hein. C'est un petit enfant, lui un grand costaud, donc il se le met sur le dos, il marche et il traverse la rivière. Et arrivé au milieu, c'est tellement lourd, il dit « ben on va mourir hein. ». Alors il se rend compte que ce qu'il a sur le dos, c'est le Christ. Alors pour nous, le Christ c'est le Christos c'est le cristal, et le cristal c'est lui qui laisse passer la lumière sans résistance. Ça veut dire que dès le moment où il se rend compte que c'est la lumière qu'il a au-dessus de lui, alors il laisse passer la lumière et ça devient plus lourd. Vous ne croyez pas que c'est la pression de la lumière sur la matière, ça ? Alors notre univers fonctionne comme ça. Finalement, les trous noirs ne sont pas des endroits où toute la matière est concentrée, c'est des endroits où toute la matière est repoussée par la pression de la lumière. C'est ça qu'ils ont vu avec le boson de Higgs. Exactement. C'est la matière, c'est pas la matière. Absolument. Mais nous, on le sait depuis longtemps, hein, que ça fonctionne comme ça. Voilà. Et donc, l'idée, c'est de dire que la vraie lumière exerce une pression sur la matière et c'est pour ça qu'on a un poids. Ça ne veut pas dire que si vous éteignez la lumière, vous êtes plus léger, hein. Parce que je parle de la vraie lumière, pas de ça. Ça, ce n'est pas de la lumière, c'est de la matière, puisque c'est à la fois corpusculaire et ondulatoire. Donc, ça exerce une pression. Mais la vraie lumière, c'est celle qui passe à travers les sphères. Celle qui change de couleur et qui arrive au centre avec ses sept couleurs. Donc, pour revenir dans quelque chose de pratique, eh bien, nous, on doit dépasser ces sphères pour arriver jusqu'à l'extérieur. Et chaque sphère a un bon et un mauvais côté. Le mauvais côté, c'est celui qui est tourné vers l'intérieur. Le bon, c'est celui qui est tourné vers l'extérieur. Donc, le mauvais côté, c'est la peur. Le bon côté, c'est la spiritualité et l'ouverture d'esprit. Donc, notre premier travail, c'est de transformer notre peur en spiritualité. Alors, pour ça, il faut connaître. On a peur des choses qu'on ne connaît pas. Mais quand on se connaît, quand on a échangé, alors on n'a plus peur. La couleur, c'est le violet. C'est pour ça que la couleur de la spiritualité, c'est le violet. Les évêques portaient un violet et portaient une améthyste. Parce que le violet, c'est la dernière couleur visible de notre spectre. Au-dessus, c'est l'ultraviolet. Donc ça, c'est la première épreuve à franchir. Alors on pourrait la franchir très simplement. Le métal correspondant à cette épreuve, c'est l'argent. Donc ça veut dire que si vous portez autour du cou une améthyste montée sur argent, ben ça maîtrise la peur. Donc c'est beaucoup plus simple que faire 10 ans de psychanalyse. Même si vous en avez envie. Alors surtout que là, ce n'est pas un système de croyance, hein. C'est vraiment quelque chose de mécanique. À tel point, c'est les enfants qui font des terreurs nocturnes. Ça arrive, hein. Et ben, il suffit de mettre une améthyste dans leur chambre pour plus qu'ils aient peur. Mais pas une améthyste qui puisse manger, hein. Et quand c'est des bébés qui pleurent, par exemple, on va leur passer une améthyste sous le pied. Polie l'améthyste. Hein. Pas pointue, parce que sinon ça va les faire rigoler. Donc, on passe cette améthyste sous le pied. Et on va voir que ça va maîtriser la peur. On peut même faire ce qu'on appelle des élixirs. Les élixirs inventés par un alchimiste arabe du 8e siècle qui s'appelle Geber ibn Arabi et qui fait des hal-élixirs, c'est-à-dire la boisson des dieux. Et grâce à ça, il utilise pour ça un hal-ambic. Eh oui, mais c'est vraiment le nom, hein, qui veut dire le distillateur. D'ailleurs, c'est les Arabes qui donnent le nom d'alchimie, al-kemia. À l'origine, hein, le nom vient des Égyptiens. Les Égyptiens ne s'appelaient pas les Égyptiens, mais ils s'appelaient les Kémis. Nous les appelons les Égyptiens. Kémis, ça veut dire les habitants de la terre de Kem. Kem, ça veut dire noir. Donc ça veut dire ceux qui habitaient la terre noire. Et après, ceux qui habitaient la terre noire, ils ont cherché l'esprit qui était au-dessus. Au-dessus, Hal. Et c'est devenu Hal-Kem. Et après, on a fait le mot Hal-Kemia, qui est celui qui cherche la lumière au-dessus de la pierre. Alors pour les chrétiens, la pierre, c'est Graal. C'est Gaal en hébreu. Et évidemment, le Graal, Al, ça veut dire au-dessus. Le Graal, c'est la lumière au-dessus de la pierre. Donc, vous voyez, c'est toujours la même chose. On cherche une pierre avec la lumière dedans. Et quand on a trouvé cette pierre avec la lumière dedans, c'est une lampe. Et cette lampe nous éclaire. C'est ça, la pierre philosophale. J'y viendrai progressivement. Donc, cette idée, faire des élixirs comme on va faire, on va prendre de l'eau la moins minéralisée possible. On va prendre un récipient en verre et on va mettre une pierre native dedans. C'est-à-dire une pierre qu'on a ramassée dans la nature ou une pierre qui a encore sa gangue. On le met dedans, on laisse passer une nuit, à condition que ça soit à l'abri des rayons directs du soleil et de la lune. Et le lendemain, on pourra boire l'eau et ça aura la vertu de la pierre. Alors c'est intéressant, on peut faire ça pour les animaux, pour les enfants aussi, mais ça ne se conserve pas. Donc ça vous fait un produit curatif qui ne coûte rien, qui est facile à faire. Donc faites l'expérience, vous verrez. Donc, cette épreuve-là, eh bien, alors on peut porter de l'argent sur soi aussi, hein. Le métal, argent, va nous aider à maîtriser la peur. Ou mettre une améthyste dans la pierre, c'est comme on l'a vu. On a une forme géométrique aussi qui est une étoile à 9 branches. Donc, vous pouvez dessiner une étoile à 9 branches que vous mettez dans une pièce, par exemple. Ou vous pouvez la mettre au sol. Et ça va nous aider à maîtriser la peur. Et vous voyez que ça n'a rien à voir avec une explication. On ne dit pas aux gens, il faut que vous fassiez ça ou pas ça. C'est seulement le contact avec ce qui correspond au monde qui va faire qu'une énergie particulière va descendre. Donc ça, c'est la première épreuve. Et sa couleur est violette. L'épreuve suivante, c'est le 8e monde. Je vous donnerai les mondes cet après-midi. Ça, c'est apprendre à écouter sans entendre que soi. C'est, vous savez, vous parlez avec quelqu'un, et à chaque fois que vous dites quelque chose, il fait oui. En réalité, il ne vous a pas entendu, il s'en fout complètement, c'est juste pour vous faire taire, pour continuer à dire ce qu'il a envie de dire, lui. Donc ça, c'est une épreuve à franchir. Ouvre tes oreilles et écoute un peu les autres. Arrête de n'entendre que toi. Cette couleur est orange. C'est le messager des dieux. C'est Hermès, bien sûr. C'est apprendre à écouter. Le métal associé à ce monde-là, c'est le mercure. Alors évidemment, on ne peut pas porter du mercure sur soi, c'est un peu délicat, ou alors dans une ampoule scellée. La pierre associée à ça, c'est la calcite orange. Ça veut dire que si vous portez une calcite orange, ben ça veut dire que vous allez entendre ce qu'il y a autour de vous. C'est pas un hasard si en français écouter et entendre, c'est deux mots différents. Hein. On peut très bien écouter et ne rien entendre, et entendre comme ça, sans avoir écouté. Donc ça, c'est une épreuve importante, c'est pas la plus importante. La suivante, l'épreuve verte, le rapport à l'autre, je t'aime moi non plus. Apprendre à comprendre l'autre. Et là, si je réussis à comprendre l'autre, c'est-à-dire l'embrasser au sens littéral, le mettre dans mes bras, j'arrête ces conflits. Je viendrai après avec le rituel des morts. Couleur verte, la pierre, c'est une améthyste, c'est une émeraude, pardon. Une des quatre pierres précieuses. Émeraude, esmeralde, cœur de pierre. Ça vient du mot perse. J'entrerai dans les détails plus tard. L'épreuve suivante, couleur jaune. La couleur verte, c'est le cuivre, hein, que je ne vous ai pas dit. C'est-à-dire, si vous portez du cuivre sur vous, vous allez comprendre les autres. Vous êtes dans une association, vous êtes à votre travail, les gens sont réunis et ils n'arrivent pas à s'écouter, à s'entendre les uns les autres. Ben, on peut mettre une calcite sur le bureau, ou on peut mettre une émeraude quelque part pour que les gens apprennent à s'entendre les uns les autres. Et c'est intéressant parce que c'est au-delà du côté intellectuel. Hein. Donc, l'épreuve suivante, c'est l'épreuve jaune, avec le métal or. C'est recevoir la lumière, ça c'est le bon côté. Ah oui, excusez-moi, j'ai oublié de donner les mauvais côtés du verre, je retourne. Le mauvais côté, c'est la sensiblerie. Et c'est ne pas comprendre l'autre. La sensiblerie, c'est quoi? C'est, il y a un oiseau qui se fait écraser, vous pleurez pendant une semaine. C'est-à-dire, c'est une émotion disproportionnée. Voilà, j'ai fini avec le monde vert. Donc le jaune, le mauvais côté, c'est l'égoïsme, la vanité. Le bon côté, c'est l'altruisme, le don de soi. C'est à la fois le monde du maître et du gourou, le gourou au sens péjoratif du terme. Le maître parle de la voix, le gourou parle de lui. Vous voyez une différence? Le maître éclaire, le gourou brille. Pour briller, il faut être bien poli. Et on ne brille qu'à travers le regard des autres. Alors que quand vous éclairez, ça ne vous appartient pas. C'est-à-dire qu'on s'ouvre, on laisse passer la lumière. Et plus la lumière passe, moins on voit la lampe. Donc le vrai maître, c'est celui qui est vraiment transparent. On ne sait même pas que c'est un maître. Alors évidemment, de temps en temps, il peut dire « Ouais, mais c'est moi qui l'ai fait. » Hein. Et au moment où il dit ça, il se referme. Et il ne transmet plus. Il est obligé de briller. Donc, gare au gourou. On dit toujours ça, finalement, c'est pour ça quand on vous dit « vous êtes un grand gourou », on a un humoriste que vous connaissez peut-être qui s'appelle Pierre Dac, qui était un grand maître, même s'il était tout petit. On lui disait « vous êtes un grand gourou », il disait « oui, avec une poche ventrale ». On l'appelait maître, il disait « maître 63 ». Donc c'est l'idée de revenir vraiment à une notion, tout ce qu'on transmet ne nous appartient pas. C'est transmission. Ça veut dire ce qui passe à travers soi. Donc c'est pour ça que c'est donné largement, justement, parce que ça ne nous appartient pas. Par contre, après, il faut suivre la voie, sinon on dévoie. C'est-à-dire que si ces enseignements, on les utilise pour le pouvoir, à ce moment-là, bah, ça se referme, au lieu d'ouvrir. Donc tout ça, c'est ce monde-là. C'est vraiment l'épreuve, c'est une épreuve très importante, parce qu'on y passe tous. C'est celle de l'ego aussi. Hein. L'épreuve suivante, l'épreuve rouge, le métal fer. C'est dépasser la violence, la colère, pour trouver la force de construire. L'épreuve suivante, L'avant-dernière, c'est l'épreuve bleue. C'est recevoir la puissance sans succomber au pouvoir. La puissance, c'est statique. La force, c'est dynamique. La puissance, c'est une batterie. La force, c'est ce qu'on branche dessus. La puissance, c'est un égrégore. La force, c'est un archétype. Vous voyez la nuance? Tout le monde sait ce qu'est un égrégore et un archétype? Alors un égrégore, c'est quoi? Allez tous ici, on pense à l'unité. Ça, c'est un égrégore. C'est une pensée, mais pas qui va déboucher sur une action. On est tous ensemble sur penser à l'unité, ça n'engage à rien. Par contre, je vais vous dire maintenant, allez, on va tous prier Saint-Michel. C'est un exemple. Saint-Michel, pour être capable de le prier, il faut qu'on sache à quoi il sert, comment il est habillé, qui c'est, il sert à quelque chose. Donc Saint-Michel, c'est un guerrier, il est habillé comme un Romain, il a une épée flamboyante, ça y est, je le décris. Et lui, il est gardien de la voie du milieu. Ah, ça y est, voilà sa fonction. Ça, c'est un archétype. Un type archaïque. Mais un archétype, ça peut être créé par la croyance des gens. Oh, le grand gourou, oh, il est capable de faire ça, ça se trouve, c'est pas vrai. Et à force que les gens y croient, ça devient vrai. Donc ça veut dire qu'il s'habille d'une croyance, et cette croyance, on peut être possédé par un archétype. À force que tout le monde croit que vous êtes d'une certaine manière, vous le devenez. Je sais pas, moi je prends quelqu'un au hasard ici, je regarde, et puis j'ai... Oh, je fais ça. C'est un exemple. Puis tout le monde, j'ai des comparses ici, ils vont tous passer, puis à chaque fois qu'ils vont passer devant toi, ils vont faire « Oh là là !» Ils vont partir. Sans rien dire. Je suis sûr qu'en sortant, tu vas être regardé. C'est obligé. Alors qu'il n'y a rien, hein. Alors il y a des exemples qu'on a vraiment fait sur le comportement. On trace deux traits au mur. On fait un petit puis un grand. Puis on fait rentrer les gens, puis on dit quel est le grand, quel est le petit. Alors en réalité, il y a 10 personnes, mais il y a 9 comparses et une personne qui est testée. Donc tout le monde regarde. Alors évidemment, celui qui voit le petit, il dit, bah ouais, il est bien plus petit que le plus grand. Et tous les autres disent, non, non, c'est le contraire. Bah à la fin, celui qui a dit que c'était le plus petit, il dit aussi que c'est le plus grand. S'il y a suffisamment de personnes qui croient quelque chose, celui qui croyait autre chose se met au même sens que les autres. Et après, quand on l'amène pour lui faire voir que mais non, c'était une blague, c'était une expérience, et qu'on lui montre qu'il avait raison, ben, il ne croit pas. Il dit non, vous avez changé le truc entre-temps. C'est le principe aussi des religions. Mais c'est le principe de toutes les techniques de manipulation. C'est le principe de la démocratie. Vous savez, Socrate disait, la démocratie, c'est quand 10 imbéciles ont raison sur 9 sages. Et on dit aussi que la démocratie n'est pas un bon outil pour maintenir la démocratie. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Socrate. Donc finalement, la croyance, le point de vue, ne dépend vraiment que de la masse. Mais si c'est vrai, ça veut dire qu'on peut modifier la réalité aussi. Et là, je reviens aux archétypes. 2 avions qui tombent, tout le monde dit il y a un troisième qui va tomber, il tombe et tout le monde trouve ça normal. C'est pas normal du tout. Ça veut dire que si les gens sont suffisamment convaincus de quelque chose, ça devient vrai. Donc, qui quid de notre réalité? Est-ce qu'elle existe en vrai ou est-ce que c'est seulement un système de croyance? Donc, si vous êtes malheureux, arrêtez, soyez persuadé que vous êtes heureux, ça deviendra vrai. Et plus il y a de gens autour de vous qui seront persuadés que vous êtes heureux, plus ça deviendra encore plus vrai. Donc, soyez heureux. C'est ce que je disais tout à l'heure en préambule avec la puissance de nuisance qu'on a, celui qui se dit « moi, à chaque fois, j'ai que des malheurs. » Et à chaque fois que je sors dehors, il y a une tuile, elle est pour moi. Mais ça veut dire quelle force est la sienne, il est capable de couder l'univers pour avoir que des malheurs. Mais si ça marche dans ce sens-là, pourquoi ça ne marcherait pas dans l'autre? Pourquoi vous ne pourriez pas avoir que des bonheurs à la seconde où vous le décidez? Mais c'est à vous de le décider, hein. C'est la dernière phrase du dernier livre de Rabelais qui dit « vivez joyeux ». Ben, vivez joyeux. Il n'y a que ça à faire. C'est vous qui décidez. Alors évidemment, si vous ne savez pas ce que vous voulez, c'est ce que vous avez, rien. Vous savez, moi, je suis avec des amis et puis on veut aller au restaurant et on me demande « tu veux aller où ?» Je dis « bon, je sais pas ». Et puis on va choisir un restaurant qui ne me plaît pas. Puis évidemment, je vais râler. Ben, vous aviez qu'à choisir. Alors ça, c'est valable dans votre vie de tous les jours. Vous ne plaignez pas de ne pas avoir quelque chose si vous ne l'avez pas demandé. C'est vous qui décidez. Alors ça, c'est le monde de la puissance. C'est ce monde d'épreuves, justement. Enfin, la dernière épreuve, c'est l'épreuve noire, c'est le chaos. Le mauvais côté, c'est fractionner, c'est le diabole. Le bon côté, c'est rassembler tout ce qui est épars, c'est le symbole. Et ça, c'est la dernière épreuve. Alors évidemment, ça marche avec les âges de notre vie. Tous les 7 ans, ça change. 7 ans, au début, c'est maîtriser la peur. C'est pour ça que les enfants, ils font des peurs nocturnes. 14 ans, c'est l'écoute, c'est donc les ados. Et vous savez, pour ceux qui ont des ados, on les a ados, comme le nom l'indique. Et le premier truc que va vous dire un ado, c'est « bah tu me comprends pas, on parle pas la même langue ». Bah c'est vrai, parce qu'il est sur le monde de l'écoute, justement. Et tant qu'il n'est pas au diapason avec nous, bah on se comprend pas. 21 ans, c'est le rapport à l'autre. On a commencé à bâtir quelque chose avec l'autre, je te comprends ou je te comprends pas. On sait pas. 28 ans, c'est la lumière au milieu, j'ai réussi à construire avec l'autre, c'est merveilleux. Le mauvais côté, c'est l'égoïsme. Je frime. 35 ans, la violence, la colère. C'est-à-dire que si j'ai rien réglé avant, c'est là où toutes les colères vont sortir. Si j'ai réglé avant, alors c'est là où je peux commencer à construire. 42 ans, la puissance. J'ai réussi à construire des choses avant, j'ai une force tranquille qui baigne autour de moi. J'ai pas compris, le mauvais côté de ce monde, c'est la vengeance, le pouvoir. Donc ça veut dire tout ce que tu m'as pas donné, je vais essayer de l'avoir autrement. Vous savez, tous les gens qui sont dans la vengeance sont pour eux dans leur bon droit. Donc, il faut passer à travers. Et enfin, 49 ans, dernière épreuve. J'ai réussi à construire avant, j'ai rassemblé ce qui était part. J'ai pas réussi, c'est le chaos, ça explose. Et on recommence. 56 ans. Soit la peur, soit j'ai réussi à la passer, c'est la spiritualité, l'ouverture d'esprit. Alors, c'est rare qu'on fasse 3 fois l'arbre. Hein. Quand même. Dans ces mouvements, hein. Alors quand je dis les âges, hein, 7 ans, 14 ans, 21 ans, c'est pas à pile, hein, c'est pas comme les dates limites des yaourts. Hein. Vous savez, vous avez une date, et les bactéries, elles attendent la nuit, et puis à la bonne date, juste, elles sont cachées sous le couvercle, là, puis elles jettent sur le yaourt. Donc c'est pas comme ça que ça marche, en réalité, c'est des courbes. Et ça veut dire qu'entre 7 et 14 ans, c'est les extrêmes, c'est le plus haut de la courbe. Mais ça veut dire que 8 ans, je me déplace déjà vers l'autre épreuve. Et j'ai déjà éliminé la première. Alors évidemment, la première, c'est celle que les enfants vivent, donc jusqu'à 7 ans. Avant, c'est pour ça qu'ils n'ont pas l'âge de raison. Alors ne pas avoir l'âge de raison était une très bonne chose, puisque ça leur permet de voir la réalité non ordinaire. Alors que dès qu'ils attrapent l'âge de raison, ils vibrent avec notre monde. Et ils commencent à voir la réalité ordinaire. C'est-à-dire notre raison, notre monde. C'est pour ça que les enfants, ils voient plein de trucs en permanence. Vous savez, les enfants, avant 7 ans, ils ont un angle de vision de 60 degrés. C'est pour ça, hélas, qu'ils peuvent se faire écraser en traversant la route parce qu'ils ne voient pas les voitures qui arrivent sur les côtés. Mais ça veut dire que tout l'angle qui reste ici, ça ne veut pas dire qu'ils ne voient rien. Ça veut dire qu'ils voient la réalité non ordinaire. Ils voient autre chose. Quelque chose qui est juste à côté de nous, ou qui est autour de nous. Vous savez, tout ce qu'on voyait quand on était petit, les monstres dans les placards, le truc qu'il y a sous le lit... toutes les poussières qui n'étaient pas des poussières pour nous, mais des étoiles. Et puis un jour, on a attrapé l'âge de raison comme on attrape un rhume. Et on est descendu dans le monde. Et maintenant, ce qui n'est pas expliqué n'est pas vrai. Il faut qu'on explique les trucs. Alors, ce n'est pas toujours vrai. On a quelquefois toujours un enfant qui est derrière. Vous savez, c'est l'été, il fait chaud. Puis vous avez les pieds qui pendent votre lit comme ça. Et vous vous rappeliez que quand vous étiez petit, il y avait un truc sous le lit. On ne croit plus en rien, on est grand, hein, mais on rentre le pied quand même. On l'a tous fait. On ne sait jamais qui n'a pas fait ça. Hein. On est très rationnel, on est très carré, tout ça, ça n'existe pas. Hein. Mais quand ça craque autour de votre lit, que ça tourne autour de votre lit, alors là, on prend un objet magique extraordinaire pour nous protéger de tous les démons de l'univers, le drap. On n'a pas besoin d'acheter des gris-gris, finalement, puisqu'il y a un drap qui nous protège de toutes les forces de l'univers. Donc, promenez-vous avec votre drap, ça suffira. Alors, vous voyez qu'entre le côté rationnel et le côté irrationnel, on n'est pas loin, finalement, entre les deux. Hein. Et que, bon, même dans, le point, dans les sciences, dans des choses très carrées, on a prévu des portes de sortie un peu étranges, un peu bizarres. Vous savez l'exception qui confirme la règle? Ça n'a pas, non? Vous avez tous appris ça, non? L'exception qui confirme la règle. Qui est une règle? Je comprends. Qui est une exception à cette règle? Je comprends. Mais qu'elle confirme la règle, ça n'a pas, non? Elle l'infirme, puisqu'il y a une exception. Donc ça, je n'ai pas compris beaucoup. Donc si l'exception confirme la règle, c'est qu'on s'est prévu une porte bizarre, irrationnelle, qui nous permet de sortir justement vers un autre monde, un autre royaume un peu étrange. Et cet endroit, justement, ou cet envers, qui est l'endroit où on va passer quand on va mourir, finalement. Puisqu'une fois qu'on aura passé ces 7 épreuves, et qu'on les aura réussies, il sera temps de trépasser. C'est-à-dire d'aller voir de l'autre côté ce qui s'y passe. Et qu'est-ce qui va se passer quand on est mort? Ben, je vous expliquerai ça après la pause. Vous savez, c'est comme les bons feuilletons. Et puis ensuite, on laissera un espace d'échange, donc où vous pourrez poser des questions sur ça, mais aussi sur l'alchimie, sur les textes, sur les contes, sur les légendes, sur la langue des oiseaux, en grec si ça nous amuse, en chinois, en latin, en hébreu. Donc, puisque l'intérêt de la connaissance, c'est que justement, il y a des cultures différentes, mais on parle toujours de la même connaissance. Et c'est pour ça que ce que je vous dis ce soir n'a aucun sens. Enfin, ce soir, vous voyez à quel point ça n'a aucun sens. Parce qu'on cherche l'essence et pas le sens. Donner un sens aux choses nous prive de l'essence. Donc on est obligé de partir un peu dans tous les sens, justement. C'est une espèce de boîte à outils en imaginant que chacun trouve un outil. Mais comme on est tous différents, les outils sont différents. Et quelqu'un va accrocher sur un outil alors que quelqu'un d'autre va accrocher sur un autre outil. Et le but, c'est d'ouvrir des portes et que finalement, ces portes nous permettent d'aller de l'autre côté, justement, ce qui nous permet de parler des défunts. Alors le défunt va entre l'Orient et l'Occident. L'Orient, bien sûr. Et l'autre côté, si on est Occident. Donc le vieux terme Oxy, évidemment. D'ailleurs, entre parenthèses, je parlais d'extraterrestres tout à l'heure, à la pause, là. Bon, déjà, avant de parler des extraterrestres, nous, on essaye d'être des terrestres extra, ce qui est déjà pas mal. Nous, on a toujours peur d'être envahis, vous savez, les extraterrestres. On est très anthropocentrique, on imagine que tout l'univers n'a qu'un seul but, c'est s'inquiéter de nous. En gros, ils s'en foutent. Hein. C'est même pas qu'on existe. Hein. Vous savez, vous avez remarqué où on est sur un bras spiral d'une petite galaxie. On est au bout du bout du bout, permettez-moi le terme. Faut mettre une crécelle parce que je pense que je plaisante. C'est ça, on parle des défunts, on voit un truc qui apparaît comme ça. Je dis un truc, c'est une image. Hein. Non, non, non. Bref, vous savez, on a une petite galaxie spirale, on est au bout du bout, permettez-moi l'expression, même si elle est grossière, on est dans le trou du cul de l'univers. Là. Donc s'il y a des extraterrestres qui viennent ici, ils viennent en safari. Hein. Parce qu'en plus, vous avez vu le nom du gaz qu'on respire, oxygène, celui qui génère la mort. Quand même. Donc ça veut dire que nous, on a toujours on dit qu'il y a une planète bleue merveilleuse, tous les extraterrestres essayent de la prendre, mais sur les cartes galactiques, c'est marqué, surtout s'il y a une planète bleue, n'y allez pas. Il y a des espèces de fous furieux qui sont adeptés à un poison violent. Et surtout, donc, vous voyez, on peut voir le monde différemment. Tout ça pour vous dire qu'on est entre l'Occident, l'Orient et l'Occident, et qu'on passe ici, entre les mondes, notre vie ici, et une fois qu'on a fini la vie, eh bien, il se passe quelque chose. Je suis en train de vous parler, puis tout d'un coup, j'ai une absence comme ça, puis je continue à vous parler, puis tout le monde regarde là, par terre, puis moi je dis quoi, qu'est-ce qu'il y a? Et personne ne me répond, alors je me retourne, et je me vois, je suis couché par terre. C'est ça, mourir. Ça veut dire que moi, je suis là, là. Puis j'essaie de vous demander, il m'arrive quoi? Personne ne me répond. C'est donc la panique, hein. La panique totale. On ne sait pas qu'on est mort, en vrai. Rien ne change au début. Et donc, imaginez la panique totale. Je vous rappelle que le but du jeu, c'est d'éliminer ses émotions. Donc ça veut dire que moi, quand je suis dans cet état-là, je ne les élimine pas du tout, hein. Puis alors ce qu'on fait, c'est qu'on prend mon corps, on le met dans un tiroir, on le met dans un placard. Puis moi, je suis à l'hôpital, là où je suis au salon funéraire, et je vois les gens, ils ne me répondent pas. Vous imaginez la panique totale? Donc, il y a normalement un certain nombre de mesures qu'on devrait avoir. On devrait dire aux morts qu'il est mort, déjà. Quand il y avait des prêtres, des initiés, de tout poil et de tout plume diverses, leur premier travail, c'était ça, hein. Et on voit dans la culture les livres des morts, comme le livre le Bardo Todol, le livre tibétain, ou le livre égyptien des morts. En réalité, ce n'était pas des livres pour les morts, c'était des livres pour les vivants. C'était pour leur expliquer ce qui va leur arriver après. Et finalement, la chose majeure qu'on devrait savoir, et le plus important, c'est de plus avoir peur de la mort. Parce qu'en avoir peur fait qu'on est piégé ici. Moi, j'ai peur, je fais des émotions, c'est pas parce que je suis mort que j'arrête de faire des émotions, hein. Donc la première chose à faire, quand on est mort, c'est de dire aux morts, t'es mort. Après, le rassurer. Bon, t'es mort, qu'est-ce que tu veux qu'il t'arrive de plus? Oui. Et c'est pour ça qu'il y avait la veillée aussi. Hein, le but de la veillée, c'est de ramener le défunt chez soi. Pourquoi? Parce qu'il est dans un environnement familier. Et donc, ça évite qu'il fasse des émotions. Et bien sûr, on doit parler au défunt. Pourquoi? Parce que on ne doit pas le laisser partir alourdi. Et pour qu'il ne soit pas alourdi, il faut justement éliminer ses émotions. Donc quand vous dites « Ah, j'ai pas pu lui dire quelque chose, c'était important, il est mort, je ne peux pas lui dire. » Si, bien sûr, vous pouvez le dire. Non seulement vous pouvez le dire, mais vous devez le dire. On dit « Il ne faut plus qu'il y ait de contentieux. » Normal. Les contentieux, c'est des contentieux. Donc c'est une bonne manière, et dans la mesure du possible, chez nous, par exemple, c'est très difficile de faire ça, de ramener les défunts chez soi maintenant. Avec la pression des pompes funèbres. Pompe, hein, en grec, ça veut dire guider. Donc, quand on dit en grande pompe, quand on dit psychopompe, c'est celui qui guide les âmes. Donc, c'est pour ça qu'on a des pompes funèbres. Ça veut dire qu'il guide l'âme du défunt. Donc, on devrait le ramener 3 jours chez soi, parce que l'âme reste accrochée au corps pendant 3 jours. Minimum. Donc, ça veut dire que pendant 3 jours, on voit ce qui se passe. Donc, ça veut dire que enterrer quelqu'un trop vite fait qu'il participe à l'enterrement. C'est arrivé dans la Première Guerre mondiale, d'enterrer trop vite les morts, mais ils sont en train de les enterrer, ils avaient bougé. Oui. Alors, il y a ceux qui ne sont pas morts. Parce que maintenant, on détermine plus ou moins que les gens sont morts. D'ailleurs, le croque-mort, c'était ça. Hein, on croquait l'orteil pour savoir s'il bougeait encore. C'est drôle de métier. Mais bon, il en faut. Hein. Et donc, on enterrait quelqu'un, on n'était pas sûr qu'il était mort parce qu'on n'était pas capable de déterminer. Quelqu'un pouvait tomber en coma, en catalepsie, et on l'enterre. Et on a des traces, c'est vrai, dans des cimetières où on a, imaginons même pas, c'est un peu, hein, on gratte le cercueil. Et on a des auteurs comme Edgar Poe. Vous connaissez Edgar Poe, si vous ne le connaissez pas, lisez, on comprend pourquoi il avait peur de la mort. Il a écrit des ouvrages un peu terrifiques. Et comme disait... Comment il s'appelait le comique que j'adore ici? Terriblifique. Sol. Il disait terriblifique. J'aimais bien comme il construisait les mots. Et lui, dans son cercueil, il a mis une corde avec une cloche chez le gardien. Comme ça, il dit, si des voix, il y a un truc, je vais sonner. Bon, il n'a pas sonné. Mais bon, il a pris la précaution. Tu veux dire quelque chose? Pourquoi chez les Hébreux, on enterre les corps vraiment vite? Alors la question, c'est pourquoi chez les Hébreux et chez les musulmans, on enterre les corps tout de suite, et chez les Hindous? Il y a une raison à ça, c'est que la culture est différente et on a cette notion, qu'est-ce qu'on doit faire pour quitter ce monde en vrai? On doit dépasser la peur. Et c'est quoi la peur la plus grande qu'on a, nous, humains? C'est la peur de la mort. Par conséquent, il y a certaines cultures où on dit, on va tout de suite vous confronter à cette peur en vous éterrant avant, pour qu'au moins vous allez être confronté à cette peur, mais par contre on va vous l'enseigner avant. C'est-à-dire que, chez les Hébreux, on l'explique. Chez les Arabes, on l'explique. Il y a un texte qui est « Les tourments de la tombe », où on explique voilà ce qui va vous arriver quand vous allez... Et chez les Hindous, on passe notre vie à préparer notre mort. Donc eux, ce n'est pas du tout un problème, hein, puisqu'ils s'attendent qu'à ça. Et il faut savoir en plus qu'on va utiliser des principes. C'est-à-dire qu'on va faire un bûcher funéraire qui va être du santal blanc. Ce n'est pas n'importe quel arbre. Ça veut dire qu'on va utiliser un parfum. Et que ce parfum aura la particularité d'ouvrir les portes entre les mondes. Donc il y a des gens pour qui la mort est la continuité naturelle et normale de la vie. Nous, occidentaux, pas du tout. Nous, la mort, c'est dangereux, voire c'est contagieux. C'est-à-dire que dès qu'il y a un défunt, on le met dans une caisse, puis on se sauve. Hein. On n'en parle plus, c'est fini. On ne prépare rien. Alors qu'il y a des pays où ça fait partie. En Afrique, par exemple, on va faire une fête pour la mort de quelqu'un, on va l'enterrer, et pendant 7 jours, on va partager le repas avec lui. Il est dans la maison. On a mis toutes ses affaires. Et au bout de 7 jours, on vire tout. Et lui, c'est plus un défunt, c'est un ancien. Ça veut dire qu'il n'existe plus en tant qu'individu. Ça a des tas d'avantages. Il ne reviendra plus déjà. Puisqu'il est mêlé dans une masse. Il fait partie d'une assemblée d'anciens. Et pour être sûr qu'il ne revienne pas, on brûle ses affaires. On détruit l'assiette dans laquelle il a mangé. Il ne fait plus partie du monde des vivants. Et ça, c'est quelque chose de fondamental qu'on doit tous comprendre. C'est qu'une fois que quelqu'un est mort, il doit continuer son chemin. Il n'est pas dans la nature des défunts de rester. Alors évidemment, on a tous... oui, mais moi, il y a ma grand-mère, elle est là, puis elle m'aide. c'est bien pour moi, mais c'est pas bien pour elle. Ou elle continue son chemin. Donc, les défunts doivent continuer leur chemin. Mais c'est possible que la personne morte, elle continue sa chemin, et en même temps, elle peut aider et communiquer avec le vivant au même temps? Oui et non. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs choses, mais je vais y venir. Parce qu'il va se passer quelque chose une fois qu'on est mort. Mais avant de répondre à cette question-là, je vais vous expliquer la suite du processus. Là, je suis perdu pour le moment. C'est-à-dire que je suis mort, j'ai plus de corps. Finalement, c'est ce qui vous arrive toutes les nuits. C'est-à-dire que quand vous rêvez, vous remarquez que vous courez, vous bougez, vous sautez. Vous serrez des mains, vous voyez des choses. Mais ce n'est pas possible parce que vous êtes raide. Donc vous avez deux corps. Vous avez un corps qui dort, puis un corps qui court. Et ça nous paraît complètement normal. Et la différence entre la vie et la mort, c'est que j'ai bien ce corps qui court, mais j'ai plus le corps, celui-là. On dit que c'est le corps, il dort. Ah oui, oui, le corridor est l'antichambre de l'âme or. Dormir, c'est comme mourir. C'est pour ça que ces mots sont si proches. C'est dormir, c'est celui qui est dehors, en vrai. C'est celui qui est en dehors de son corps et qui va faire un certain nombre de choses. Ensuite, il y revient dans ce corps-là. Mais quand il n'y a plus de corps, il n'y revient pas. Donc, je suis dans ce corps maintenant. On ne m'a rien expliqué. Je suis paniqué. Je fais plein d'émotions. Et plus j'ai d'émotions, plus je suis lourd. Plus je suis lourd, moins je pars. C'est les émotions qui nous maintiennent dans ce monde-là. Ça veut dire quoi? Que ceux avec qui on échange, c'est ceux qui ne sont pas passés. Forcément. Donc c'est forcément les plus lourds. Forcément. Ça veut dire que quand vous faites tourner des tables pour parler avec des défunts, et que vous invoquez tonton Léon ou tata Germaine, on peut souhaiter qu'une seule chose, c'est que ce ne soit pas eux qui viennent. Parce que s'ils viennent, ça veut dire qu'ils n'ont pas continué leur chemin. Et la bonne question, c'est si c'est pas eux, c'est qui? Et c'est quoi la motivation de ceux qui vous répondent? On peut se poser la question. 100 ans après, j'invoque Napoléon, César. Je peux souhaiter vraiment que ça soit pas eux, hein, parce que ça fait un moment quand même qu'ils sont là. Ça veut dire que si c'est eux, c'est qu'ils sont coincés entre les mondes. Bon ou mauvais, hein, c'est pas un jugement de valeur. C'est juste qu'ils n'ont pas continué leur chemin. Ça veut dire qu'on ne peut discuter qu'avec des morts frais. C'est-à-dire ceux qui sont entre les mondes. Mais ça veut dire que le passage peut mettre 100 ans. Le temps de passage, le temps d'entre les mondes, c'est le temps des rêves. Vous avez remarqué quand même que le temps ne s'écoule pas de la même manière dans vos rêves que dans la vie de tous les jours. Eh bien, il y a la même différence. Vous pouvez vous endormir 5 minutes et avoir l'impression d'avoir rêvé pendant des heures. Et inversement. Donc le défunt peut être entre les mondes comme ça, un battement de paupières, il a l'impression qu'il vient de mourir, puis ça fait 100 ans qu'il est entre les mondes. Le temps a peu à voir entre cet intermonde et le nôtre. Donc ça veut dire que les défunts avec qui on va communiquer, dans tous les cas, ils ne sont pas passés. Parce que maintenant, il va se passer quelque chose. Supposons que tout va bien, je suis mort, tout va bien, c'est une image. Au bout de 3 jours, je me sépare de mon corps, et là, il y a une porte qui s'ouvre. Alors, on n'a pas besoin d'aller la chercher, la porte. Elle est devant chacun d'entre nous. En réalité, la porte, c'est un changement de fréquence. Un exemple. Ici, il y a de la musique partout, mais vous ne l'entendez pas. Mais si je prends un bon poste de radio et que je le mets sur une fréquence, vous entendez la musique. Si je change de fréquence, il y a une autre musique, mais elle était où par rapport à la première? Elle est au même endroit, mais pas à la même fréquence. Si c'est vrai pour la musique, pourquoi ça ne serait pas vrai pour la matière? Si moi j'étais capable de me régler d'une manière un peu plus dense, tout le monde ici devient des fantômes. Si par contre, si je suis un peu plus subtil, c'est moi qui deviens un fantôme. Donc finalement, la réalité n'est seulement qu'une question de réglage. Donc ça veut dire que maintenant que je suis mort, je ne suis plus dans cette réalité-là, je suis dans une qui est juste à côté. Et c'est la même réalité que le monde du rêve. Quand vous rêvez, c'est là-dedans que vous allez vous promener. Et ça veut dire que, comme les défunts, tant qu'ils ne sont pas passés, ils sont aussi dans cette réalité, le rêve va vous permettre de communiquer aussi, puisque vous êtes à la même fréquence. Vous êtes dans votre corps du rêve, et les défunts sont dans le même corps sans avoir de corps physique, ben on va se rencontrer, et on va se raconter des histoires. Donc vous pouvez avoir des défunts qui apparaissent dans vos rêves, et qui vous racontent des choses. Ça peut être plus fort que ça aussi, puisque nous, quand on va recevoir ces informations-là, on va les habiller de notre culture et de nos croyances. Donc ça veut dire que vous pouvez rencontrer dans vos rêves des gens Ils n'ont pas la tête qu'ils avaient, mais vous savez que c'est eux. Ça peut être dans un contexte aussi particulier, c'est vous qui faites le décor, mais c'est la personne qui se déplace dans le décor que vous avez fabriqué. Alors évidemment, il y a des gens qui font ça en étant éveillés, ça veut dire qu'ils ne sont pas tout à fait dans ce monde, ils sont entre, c'est pour ça qu'on appelle ça des médiums. Les médiums, c'est ceux qui sont entre. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus tout à fait dans notre monde, pas encore dans l'autre, et étant entre les deux, bah, ils passent la tête et ils voient passer des choses. Et ces choses, bien sûr, ça leur permet de communiquer avec des défunts. Par contre, les vrais médiums, ça se déclenche quand ça veut. C'est pas eux qui décident. Et les événements qu'ils voient, ils les datent pas. Ils peuvent pas dire ça s'est passé ou ça se passera. Parce que cet endroit-là, il y a aussi tous les avenirs possibles. Les plus probables, en tout cas. Donc, on peut voir les avenirs les plus probables. Ça ne veut pas dire qu'ils vont se réaliser, mais ça veut dire que c'est les plus probables. Mais c'est une autre histoire. Alors finalement, qu'est-ce que c'est que cette porte? C'est un changement de fréquence. C'est-à-dire que, en changeant de fréquence, ça fait comme un appareil photo quand on le règle. Vous savez, c'est flou, puis ça devient de plus en plus net, puis on a l'impression qu'il y a un couloir. Et c'est ce que tous les gens décrivent. Ils décrivent, il y a une espèce de couloir, avec des nuages autour, un grondement, et puis on a l'impression qu'il y a quelque chose qui s'approche, et au fond, on voit une lumière qui n'éblouit pas. Et là, on arrive à ce qu'on appelle le jugement. Alors le jugement, c'est pas un ange qui est là avec un papier et crayon, hein. Nous, on imagine en tant que Français moyen, il suffit de venir avec un jambon, on va pouvoir négocier, en disant. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Là, on va se retrouver dans une situation où vous allez vivre toute votre vie avec toutes les interactions, comme si ça vous arrivait à vous. Donc, vous allez sentir la douleur de la fourmi que vous avez écrasée et la joie de la mouche que vous avez laissée sortir. Là, je suis sûr qu'il y en a qui comptent déjà. En gros, tout le souffre que vous avez fait faire autour de vous, une partie est pour vous. Tout celui que vous avez permis d'éliminer, une partie du vôtre s'élimine. C'est ça le jugement. Mais ce n'est pas moral, hein. On a tous été les meilleurs et les pires pour quelqu'un, tous, sans forcément le savoir. On a des fois voulu aider quelqu'un et lui avoir fait faire beaucoup de souffre. On a des fois détesté quelqu'un, ça lui a rendu service. Donc la morale, hein, n'a aucun poids là-dessus. C'est pour ça que nous, on connaît ça. Donc dans notre vie de tous les jours, on y fait très attention. Et on ne respecte qu'une seule règle. Ce qui rassemble, c'est bien. Ce qui fractionne, c'est pas bien. Est-ce qu'on va sentir le soufflement de la Terre comme une façon qu'on pollue en... Alors, la question, je la relaye, c'est est-ce qu'on va sentir la souffrance de la Terre? Tout est relatif. Déjà, pour nous, alchimistes, comme pour vous, la Terre est vivante. C'est-à-dire que c'est un organisme complexe, avec une trame, un schéma de cohérence, avec des veines, des artères, des... Et c'est un peu comme un chien, c'est-à-dire quand il a trop de puces, il se gratte. Les puces, c'est un peu nous, c'est-à-dire qu'on s'est comporté un peu comme une moisissure sur une orange. Bon, c'est la malédiction du début, on l'a vu, ça commence avec Caïn et Abel. Ça paraît bizarre, mais souvenez-vous de cette histoire, il y a Caïn et Abel, et ils font un sacrifice à l'Éternel. Et il y en a un qui sacrifie de la viande, et l'autre qui sacrifie des légumes. Et l'odeur de l'Holocauste plut aux narines de l'Éternel. Qu'a choisi l'Éternel? La viande. Donc Dieu n'est pas végétarien. Mais ce n'est pas ce qu'on a voulu nous dire. Qu'est-ce qu'on a voulu nous dire? C'est Abel qui a apporté la viande et Caïn qui a apporté les légumes. Mais c'est quoi l'histoire? C'est que Abel, c'est un nomade. Caïn, c'est un sédentaire. Et donc l'Éternel, ou en tout cas ceux qui ont écrit l'histoire, nous ont mis en garde en nous disant « Si vous êtes des sédentaires, ça va être l'enfer, vous allez tous mourir. Par contre, si vous êtes des nomades, là est la solution. Parce que quand on est nomade, quand il n'y a plus à manger, mais on ne se reproduit plus. La régulation se fait naturellement. Quand il n'y a plus à manger sur un lieu, on se déplace. Alors que quand on est agriculteur, ce n'est pas du tout comme ça que ça marche. C'est, au lieu de courir dans le monde, eh ben on fait de l'agriculture. Et puis on se reproduit. Et on se reproduit. Ben, on continue à faire de l'agriculture. Mais qui dit agriculteur dit « Ah tiens, ça pousse mieux chez toi que chez moi. » Donc la guerre naît de l'agriculture, puisqu'on va défendre son territoire. Et donc, ce problème est un problème très relatif, hein. Il faut savoir que la Terre a très bien vécu sans nous et qu'elle vivra très bien sans nous après. On a, nous, une notion, dire on occupe la Terre, on pollue la Terre, c'est affreux, c'est horrible. Mais ça, c'est un vieux complexe aussi judéo-chrétien. Aujourd'hui, vous pourrez vérifier, globalement sur Terre, il y a plus de forêts aujourd'hui qu'il y a 50 ans. Alors quand on dit ça, on dit « Ah ben non, c'est pas possible ». C'est sûr qu'en Amérique du Sud, en Afrique du Sud, on déforeste comme des fous. Mais en Europe, on a laissé plein de terres en jachère. Et on a fait repousser. Donc globalement, il y a autant de terres. Une autre histoire qui est bien, bien, bien plus ancienne. Il y a 500 millions d'années, il y a une espèce qui vit. Et cette espèce, elle vit dans l'eau. Et elle vit tellement bien qu'elle se reproduit, elle se reproduit, elle se reproduit, mais elle se reproduit. Et elle fait des déchets terribles. Et ces déchets qu'elle fabrique, ça bouffe tout. Mais ça bouffe même les pierres, même le métal. Et ça les tue. Et évidemment, voyant que ça a tué presque toute cette population, eh bien, ils s'échappent au fond des mers et ils s'y cachent. Et ce n'est pas les Atlantes, mais c'est les bactéries anaérobies. Et le poison terrible qu'elles ont fait, c'est l'oxygène. Et si elles n'avaient pas pollué, on n'existerait pas. Nous sommes les fils de cette pollution. Est-ce que c'est juste ou pas? J'en sais rien. Ça a détruit une race, ça nous a permis de vivre. Peut-être qu'on prépare l'avènement d'une future espèce qui vivra dans la radioactivité, l'oxyde de carbone, et qui trouvera ça très bien, et qui sera très sage. Donc j'ai pas de réponse là-dessus. Alors, quid de la Terre à ce moment-là? Et quand la Terre, elle fait sauter un volcan, et qu'elle détruit toute la vie sur la Terre, ce qu'elle a fait 5 fois, alors, qu'est-ce qu'elle pense? Et quand un astéroïde arrive de l'autre bout de l'univers et qui détruit les dinosaures il y a 65 millions d'années, mais il n'a pas détruit que les dinosaures, il a détruit 90% de la vie. Et si ce météore n'était pas tombé, on n'existerait pas. Parce que si les dinosaures étaient restés, les mammifères qu'on était, on aurait été bouffés. Donc la niche a été libérée par un événement apocalyptique. Peut-être qu'on prépare l'avènement d'une espèce qui vivra dans des cités qu'on a laissées, et en disant, oh, les grands anciens, dans leur sagesse, ils nous ont laissé des cités. On fait un travelling arrière et on voit nos crânes et ils habitent dedans. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que nous sommes anthropocentriques et on imagine que la Terre pense comme nous. Mais ça se trouve, elle pense complètement autrement et ça se trouve, elle n'a même pas conscience qu'on est dessus. Peut-être qu'elle se gratte. Elle dit, est-ce qu'un chien a conscience des puces qu'il a? Je ne sais pas. Comment la Terre va réagir? Et elle réagit. Mais est-ce que par là, elle nous donne du soufre? J'en suis pas sûr. Quand un moustique me pique, par exemple, il m'en veut pas personnellement, hein, mais lui, il nourrit ses enfants, hein, finalement. Et qu'est-ce que je fais? D'ailleurs, on posait la question au Dalai Lama. On lui dit, alors voilà, il y a un moustique, qu'est-ce que vous faites? Il dit, bah, je le chasse. Il dit, mais s'il revient, il dit, bah, je le fais changer de plan. Donc à un moment, mais j'ai pas de jugement là-dessus, j'ai pas de réponse. Alors la question, c'est, et j'arrive vraiment là-dessus, ce monde, le monde dans lequel on est ici, il sert à ça. C'est-à-dire que ce monde sert à éprouver nos émotions, à les faire sortir. Si on arrivait dans ce monde, tout le monde s'aimait, ça serait merveilleux, extraordinaire, et qu'on partait de ce monde de la même manière qu'on est venu, il ne servira à rien. C'est difficile de dire ça, je vous ai dit qu'on était en enfer. Ce monde sert à ça. Vous n'avez pas remarqué que notre histoire, c'est toujours la même chose ? Que tous les 20 ans, on se dit « Ah ben non, maintenant on est civilisé, ça ne se reproduira plus. Hein. » Et ça se reproduit pareil. Vous n'avez pas remarqué qu'on nous dit à une époque « C'est super les vaccins, allez-y, hein, il faut s'en coller des tonnes. » Et puis que 10 ans après, on dit « Touchez pas, c'est des mutagènes, c'est dangereux. » La nourriture, regardez comme on est passé dans la nourriture où un repas sans viande, ça n'existait pas, un repas sans viande. Aujourd'hui, on nous dit le contraire. Il ne faut pas manger de la viande parce que sinon, c'est très très méchant. Donc, je suis dans la même interrogation que vous et je n'ai pas de réponse. Ça ne veut pas dire qu'il faut polluer, ça ne veut pas dire que c'est bien, ça ne veut pas dire que... Et d'ailleurs, on n'est pas les seuls animaux à polluer notre environnement. Hein. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, nous, on a plein de pigeons. Hein. C'est horrible, les pigeons, c'est des rats volants, c'est affreux, ce qu'ils mettent partout. Sans compter les vecteurs de maladies. On a des vecteurs de maladies qui ne sont qu'animaux. Hein. Quand, pour des raisons, on a eu des grandes pestes en Europe, hein, et qu'est-ce qu'on a fait? On a pensé que le chat, c'était l'animal du diable, donc on a tué les chats. Sauf que la peste, elle venait par les rats. Et donc, quand on a tué les chats, on a favorisé les rats, et les rats ont tué les hommes. Mais à ce moment-là, si l'homme pollue, ça a été bien de tuer les hommes. Ça dépend de quel point de vue on se place. Un virus. J'ai un virus qui arrive chez moi. C'est affreux. Il va me coller une maladie terrible et tout. Je vais partir en morceaux. Mais c'est peut-être le virus Moïse qui amène son peuple sur la terre et, hein, promise. Quand il rentre à l'intérieur, il coule du miel, il coule, c'est à profusion, hein, c'est open bar, hein. Entre à l'intérieur, c'est la fête. Hein. Et de la part du virus, c'est génial, merci l'éternel. Hein. Alors que celui qui subit ça, il dit, ah ben non, hein, c'est un truc horrible, hein, c'est affreux. Alors que notre corps n'existe pas, ce n'est qu'une colonie. Une colonie de plus, mais qui n'existe pas. Alors, je n'ai pas de réponse là-dessus. Parce que, pour les mêmes raisons que ce que j'ai dit pour l'homme, oui, on doit prendre du soufre, mais on peut en laisser aussi. La vie sur Terre, finalement, la vie elle-même, est déjà une pollution par rapport à la Terre. Les animaux même. Donc on peut dire qu'une planète qui a trouvé l'éternité, c'est une planète morte, en vrai. C'est une planète immobile, qui n'est plus agitée par son propre feu intérieur. Mais je n'ai pas de réponse à ça. Alors pourquoi je vous dis ça aussi? Je parlais avec certaines personnes de l'adaptation au milieu. C'est vrai que c'est bien de manger bio, c'est vrai que c'est... Mais c'est de la folie totale de mettre sur des bons aliments qui sont bons. C'est le reste qui devrait être étiqueté, merde. Je veux dire, on marche sur la tête. C'est de la folie totale. Donc, c'est un peu comme quand on fait des quêtes pour les maladies, vous savez, c'est terrible, on nous fait le téléthon, on met des petits-enfants qui sont malades devant, et on dit c'est affreux, faut donner. Mais c'est un scandale total. Je veux dire, ça veut dire que je justifie le fait que les gouvernements ne font rien contre et qu'en plus ils viennent chercher de l'argent dans ma poche. Alors que la question ne devrait même pas se poser. Donc, je reviens à cette idée en disant, pour être bien dans notre environnement, c'est une question d'éducation avant tout, c'est quel rapport on a avec notre univers. Regardez les ados, regardez les jeunes, c'est à eux qu'il faut expliquer tout ça. Mais qu'est-ce qu'on fait? Eux, ils vivent dans des mondes virtuels. Pourquoi? Parce qu'ils n'aiment pas celui-là. Et vous remarquerez, ils mettent des chaussures avec de l'air dedans, comme ça ils ne touchent pas le sol. Ouais. La nourriture qu'ils ont, ils s'en foutent complètement, que ça soit bio, que ce soit pas bio, ça n'a pas d'importance. Ils veulent quelque chose qui ne fait pas partie de ce monde. Donc moi, je pense qu'il faut réapprivoiser la Terre, mais en ayant un vrai dialogue. C'est-à-dire, c'est quoi son aspiration à la Terre? Elle veut quoi? En vrai, on en sait quelque chose, nous? On n'en sait rien. Je prends un exemple avec les pierres. Vous savez, on porte tous des pierres, des machins, des grilleries diverses et multiples. Mais les pierres ne savent même pas que vous existez, parce qu'elles ne sont pas à la même échelle de vitesse. Donc finalement, moi, j'imagine que le but d'une pierre, c'est de me servir, moi. Et pourquoi? À tel point, c'est qu'une fois que la pierre m'a servi, qu'est-ce que je fais? Je la recharge. Ça n'a pas, non? Elle s'est déchargée. Ça veut dire qu'elle aussi, elle a sa propre évolution, elle a son propre chemin. Et une fois qu'elle s'est vidée, je devrais la rendre à la Terre, mais je le fais pas. Je la garde parce que je suis anthropocentrique. Donc quel est le vrai rapport avec la nature? C'est quoi en vrai? Et ça, j'en sais rien. Alors c'est vrai qu'il y a des choses, on ne doit pas polluer. Je repense à quelque chose comme je parlais de Tchernobyl, pas de bientôt Fukushima, mais Tchernobyl. On s'est dit, ça va être affreux, ça va être horrible, ça va être radioactif, il n'y a plus rien qui va vivre et tout. Et ben c'est faux. Non seulement il y a plein de trucs qui vivent, les cerfs, les chevreuils, les sangliers, ils n'ont jamais si bien vécu. En plus, ils ne sont pas chassés parce qu'ils sont radioactifs. Donc eux, ils trouvent ça plutôt génial. On s'est dit, il va y avoir des mutations affreuses, ça va faire des monstres. Il y en a eu, mais ils n'ont pas été viables. Et aujourd'hui, ils sont en pleine peau. Ils ont une adaptation qui fait qu'ils sont protégés de nous. Mais ils sont protégés de nous en devenant radioactifs. Alors ça veut dire quoi? Peut-être que la radioactivité est une manière que la Terre a trouvée pour protéger des espèces? J'en sais rien. J'ai pas de réponse à ça, hein. Franchement, j'ai pas de réponse. Mais c'est pas bien de polluer, mais c'est bien de manger des bonnes choses, mais c'est bien d'expliquer le dialogue avec la nature. Mais je pense qu'on ne changera pas aujourd'hui notre environnement. La seule possibilité, c'est que nous adaptions à ce milieu. Sinon, on est amené à disparaître. Alors ça se trouve, les gens qui font disparaître des hommes ont un bénéfice de la Terre. J'en sais rien, ils vont dire, bah, c'est super, hein, j'avais des contrées qui étaient habitées par une bande de virus. Bah, grâce à toi, maintenant, merci de m'avoir débarrassé du truc qui me gratte. Donc, je ne sais pas, je n'ai pas de réponse. On va s'adresser seulement à l'humain, ça fait déjà pas mal. C'est-à-dire que toutes les relations qu'on a eues dans une vie, on a de quoi déjà partir avec des valises. Hein. Oui, mais c'est tout. Mais ça c'est lié. La question, c'est les pigeons, ils sont pour rien, c'est de notre faute et ils nous renvoient. Nous, c'est un pigeon rédempteur. Saint pigeon, priez pour nous, blah. Donc. Bah, enfin, bon, quand même, je dirais, la fiente de pigeon, ça a toujours attaqué. Hein. Partout. Donc la nature elle-même, le côté acide, fait que nos villes sont faites de telle manière qu'il y a des déséquilibres. Et ces déséquilibres, il y a des niches qui sont libres, il y a des animaux qui viennent s'y mettre. C'est évident, mais c'est vrai dans la vie aussi. D'ailleurs, c'est une bonne leçon de vie pour chacun d'entre nous. Ne pas reconnaître vos mérites et permettre l'émergence des médiocres. Ça veut dire que quand vous avez des mérites, vous, eh ben, allez-y. Hein. On n'a pas besoin de se vanter, mais on a besoin de reconnaître vos propres mérites. Parce que la nature ayant erreur du vide, si vous ne reconnaissez pas vos propres mérites, ben, c'est quelque chose d'autre qui va venir. forcément, obligatoirement, et qui n'a pas forcément les mêmes mérites que vous. Je vais relayer le message. On va absorber ce gène-là et ça va nous modifier nos gènes, mais c'était démontré aussi que quand on arrête de manger cet aliment-là, la nature va... Oui. On parle des gènes récessifs, c'est-à-dire que si je prends des OGM, quand je vais manger, est-ce que je vais acquérir ce gène? Est-ce que ce gène va me modifier, moi? C'est possible, mais encore une fois, quand on est bombardé par les rayonnements solaires, on n'a rien demandé à personne, et que ces rayonnements solaires altèrent notre ADN, je veux dire, quid de la pollution? J'ai pas de réponse à ça. Non, mais c'est la recherche toujours de l'équilibre dans la nature. Oui, mais vous voyez un autre exemple. Ce monde, avant que l'homme arrive, ou même quand il était là au début, était merveilleux. C'est-à-dire que tout était à sa place. Les oiseaux étaient dans l'air, les poissons dans l'eau, ce qui prouve que Dieu est derrière tout ça. Donc ce monde, même globalement aujourd'hui, il est plutôt bien fait. Mais il est surtout bien fait pour les survivants. Parce que tous ceux pour qui le monde n'était pas bien, ben, ils sont morts. Donc forcément, aujourd'hui, tout le monde est adapté plus ou moins à ce milieu-là, parce que si on n'est pas adapté, on disparaît. Donc, ce n'est que cette course en permanence d'adaptation au milieu. Moi je dis, l'important, c'est ce qui vous rend heureux. Quand vous mangez et que vous êtes bien dans votre peau, quand vous n'êtes pas malade, quand vous êtes capable de réfléchir, quand vous êtes bien avec les autres, tout ça, c'est important. Alors, c'est sûr que la qualité de la nourriture, c'est sûr que, après, il y a des raisons stratégiques et humaines. Quand il faut 1000 litres d'eau pour faire 1 kg de viande, bah, est-ce que c'est vraiment raisonnable? Alors qu'un litre suffit pour faire des végétaux. Bon, maintenant, d'un autre côté, mangeons des insectes. Et si on décide de manger des insectes, il n'y a plus de crise de nourriture nulle part. C'est le meilleur rendement de protéines du monde. Mais est-ce qu'on est prêt à ça? Donc, c'est autre chose. Moi, je veux bien arrêter le rayonnement électromagnétique, je veux bien arrêter les cellulaires, je veux bien couper l'électricité, je veux bien retirer l'eau courante, je veux bien retirer les voitures, je veux bien retirer le chauffage, je veux bien retirer les ordinateurs, je veux bien retirer tout ça. Allons-y. Et on fait quoi après? Je veux dire, c'est... On veut tous changer le monde. D'ailleurs, rassurez-vous, il va se changer sans nous, là. On est dedans, là. Donc, qu'on veuille ou qu'on veuille pas, il va se passer suffisamment de choses pour que le monde retrouve cet équilibre. Mais il y a une règle d'équilibre. On appuie d'un côté, ça monte de l'autre. On n'y est pour rien. Mais on vit... Vivre, c'est un déséquilibre. Marcher, c'est un déséquilibre. Donc, finalement, l'équilibre, c'est la mort. Quand vous êtes équilibré, c'est parce que vous êtes immobile. Oui, tomber dans la tombe, mais tomber, c'est toujours les changements. On tombe malade, on tombe enceinte, on tombe amoureux, on tombe dans la tombe, l'ange tombe, l'homme tombe. Ça veut dire qu'il se met en mouvement. Mais la création, c'est l'agitation. Je veux dire, c'est pas moi, c'est pas nous qui avons fractionné l'unité. Je veux dire, on n'y est pour rien. Encore une fois, on va arrêter de se flageller en se disant, on est très très très très méchants, regardez dans quel monde, regardez ce monde qu'on a fait. Le changement climatique, c'est affreux, c'est horrible, c'est bon, c'est de notre faute. Bon. On a eu 5000 ans de temps tempéré. On a trouvé ça très bien. Mais c'est pas, si on regarde d'un point de vue géologique les variations sur la Terre, c'était très chaud, très froid. Il se trouve qu'on a eu 5000 ans. Et pendant ces 5000 ans, on s'est reproduit dedans. Parce qu'il y a une niche qui s'est produite à ce moment-là. Mais on n'y est pour rien. Changement climatique, qu'on a inversion des pôles, on est en plein dedans, là, l'inversion des pôles. Ça veut dire que la magnétosphère change. Si la magnétosphère change, tout ce qui est cyclone devient anticyclone. Donc, on va avoir des tempêtes partout. Et vous, vous avez la chance, il va faire chaud chez vous. Et moi, j'ai pas de chance, il va faire froid. Bon. Bientôt, vous viendrez chez nous faire du ski, et nous, on viendra sur les plages du Québec. Mais oui, parce qu'il y a des vraies conséquences de ça. Les conséquences climatiques, d'énergie, de circulation dynamique, vont faire que le Gulf Stream va s'arrêter, les courants du Labrador aussi. Donc ça veut dire que si le Gulf Stream s'arrête chez nous, il amène 20 degrés, c'est les courants du Labrador qui descendent du nord chez vous, ils retirent 20 degrés. Donc ça veut dire qu'il y aura une différence de 20 degrés de l'un des pingouins en Bretagne chez nous. Mais ça, c'est des phénomènes, on n'y est pas pour grand-chose. Oui, on a pollué, on a fait des effets de serre, on a fait... Entendons-nous bien, je ne vous dis pas, c'est bien de polluer, c'est bien de manger des saloperies, c'est faut pas protéger son environnement, c'est pas ce que je veux vous dire. Oui, mais il n'y a personne sur la planète Mars. Non, mais il n'y a pas d'atmosphère non plus, donc ça aide à la pollution atmosphérique. Il y a peu d'atmosphère, mais pour une autre raison, c'est que c'est une planète oscillante. C'est-à-dire qu'elle n'a pas la chance d'avoir l'équilibre justement qu'on a avec la Lune. Et ce qui fait que quand il y a une gazeuse, une géante qui passe comme Saturne ou Jupiter, l'axe de Mars change. Donc ça veut dire qu'elle change puis elle revient. Donc elle fait ça en permanence. C'est-à-dire que l'atmosphère qui était au-dessus, elle n'a pas résisté aux allers-retours comme ça. Donc ça veut dire qu'elle s'est diluée. Et s'étant diluée, la Mars faisant ça, le champ magnétique aussi oscille. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas que deux champs magnétiques, il y a des champs magnétiques auxiliaires aussi sur Mars. Et ça nous arrive sur Terre. Regardez, je ne veux pas vous faire peur, mais regardez quand vous allez rentrer l'anomalie Atlantique Nord et l'anomalie Atlantique Sud que vous pouvez regarder sur Internet. Aujourd'hui, il y a un champ magnétique qui est grand comme le Brésil, au-dessus du Brésil, qui fait un trou énorme. Donc ça veut dire que ça joue bien sûr sur la magnétosphère et ça va jouer par conséquent sur les climats. Bon, mais ça se produit tous les 12 000 ans. On nous dit non, ça se produit tous les 700 000 ans, rassurez-vous. Non, pas du tout. Ça se produit d'un point de vue physique tous les 12 500 à peu près. Mais c'est un phénomène mécanique, on n'y est pour rien. C'est le cœur de la Terre, il y a une graine solide. Autour de cette graine solide, il y a des métaux liquides. Et évidemment, au cours des temps, les métaux viennent se mettre de chaque côté du centre de la Terre, parce que c'est liquide à l'intérieur, et ils créent une épaisseur. Et créer une épaisseur, ils créent un moment d'inertie. Et donc la Terre, au lieu de tourner comme ça, elle commence à tourner comme ça. Puis plus elle tourne comme ça, plus à un moment, ça fait plop. Alors ce n'est pas la Terre physique, c'est l'intérieur. Hein. Donc nous, on ne le voit pas. Et quand ça fait plop, vous pouvez repeindre toutes vos boussoles. C'est quand même fondamentalement grave, ça, hein, parce que ça va être dans l'autre sens. Et là, c'est un changement de civilisation pour des tas de raisons. La première, c'est évidemment climatique, et la deuxième, c'est électrique et électronique. C'est-à-dire que le courant change de côté. Oui, justement, mais ça veut dire que le courant change de côté. Ça veut dire que tous vos appareils électroniques, vous pouvez les jeter. Alors, vous voyez, ça, si ça se produit en 2-3 mois, notre civilisation, c'est fini. Là, vous n'aurez plus d'ordinateur, plus de cellulaire. Des fois, c'est bien. Oui et non. Parce que nous, on a un avantage, c'est que les cellules sont rondes. Et étant rondes, finalement, on s'en fout un peu de l'orientation. Heureusement pour nous. C'est pour ça que l'homme a survécu à des variations magnétiques fortes, alors que, je vais dire, des choses qui sont signées, qui sont bloquées. Alors pourquoi on le sait? Parce qu'on a trouvé des couches hein, où les pierres sont orientées autrement. Hein. Donc on sait que le champ magnétique change. Voilà, je ne sais plus pourquoi je disais tout ça. Mais parce qu'on était toujours, moi j'ai toujours mon défunt qui est là. Il attend là. Hein. Il est mort, il y a son corps qui est. Ça fait 3 jours maintenant, il fait et alors? Et qu'est-ce que je fais maintenant? Oui, mais pourquoi j'ai parlé? Parce que c'était pour rebondir qu'Cain, Abel, c'était l'histoire des nomades et des sédentaires. Donc je reviens en arrière à mon défunt. Quand on est mort, on va se retrouver donc au jugement. C'est-à-dire que finalement, c'est notre âme seulement, et on va récupérer ou éliminer le soufre que j'ai fait faire ou le soufre qui s'est dissipé. Et un peu, c'est un peu comme si j'étais sur un ballon dirigeable avec une nacelle et des sacs de sable, et il y a une montagne. Est-ce que je suis suffisamment léger? Si oui, je peux passer derrière la montagne. Si je suis trop lourd, j'ai qu'une seule possibilité, il faut que je redescende pour me mettre mes sacs de sable. Donc 2 possibilités quand on est mort, 3. Soit je reste entre les mondes, j'ai pas trouvé la sortie, ou je suis attaché à ce monde-là. Attaché, il y a plein de manières, parce que c'est ça aussi le risque, je suis content, il y a ma grand-mère qui me protège, c'est qu'elle a pu dire ça avant de mourir. En disant, t'inquiète pas, je serai toujours là. Elle sait pas à quel point elle a raison. Mais oui, mais ça veut dire qu'elle est dans l'émotion. Ça veut pas dire que c'est une mauvaise chose, ça veut juste dire que c'est pas fait pour. Et quand je vais me retrouver ici entre les mondes, bah oui, la grand-mère, elle peut vous aider, il peut se passer des choses. Mais elle ne continue pas son chemin. Deuxième hypothèse, je suis suffisamment léger, je passe au monde d'au-dessus, on n'en parle plus. Le monde d'au-dessus, je ne vais pas vous en parler beaucoup, vous allez le voir un jour. Mais il n'est pas subtil. C'est-à-dire qu'il est subtil vu d'ici. Mais si je prends un caillou subtil sur mon pied subtil, ça me fait mal pareil. Vous voyez, la densité dépend d'où est l'observateur. Mais quand on sera mort dans le monde des morts, il sera tangible, il sera solide. C'est une autre réalité. Alors il y aura une couleur de moins, évidemment, à l'arc-en-ciel, et il y aura une densité de moins. Donc on sera un peu plus léger quand même. Mais on pourrait avoir une vie, pas comme celle-là, mais en tout cas dans un vrai monde qui existe. Autre hypothèse, je suis trop lourd. Allez, je reviens ici. Seule solution pour retirer mes sacs de sable. Combien de fois? Autant de fois que nécessaire. Donc ce voyage, là, cet aller-retour, là, on peut le faire. 10 000 fois? Ah oui, ça énerve un peu. Et ça fait combien de fois qu'on l'a fait? Ça dépend de chacun d'entre vous. Il y en a Ça fait quelques fois, d'autres, ils sont revenus plusieurs fois, ils ont fait plusieurs fois l'aller-retour. Et donc, quand je reviens ici, eh bien, je vais choisir l'endroit le plus probable où je vais pouvoir éliminer mon soufre, puisque c'est mon but. Vous voyez, je suis sur le comptoir d'envol, là, puis je regarde en bas, puis je vois toutes ces vies, là. Alors, on ne voit pas les gens, on ne voit pas les vies, hein. On voit juste des fils, des faisceaux de probabilité. Alors, fille de cette histoire, après vous croyez en ce que vous voulez, hein. J'ai été le fils de l'un, je serai le père de l'autre, la vie d'après, je vais me retrouver dans la famille de... J'aimerais pas être le type qui fait les reclassements. Hein. Vous imaginez comment c'est pas gérable sur 7 milliards d'individus? Pour savoir comment je vais coller, ça c'est très humain. C'est, on a vraiment, nous, on a envie d'avoir des raisons d'être malheureux, par exemple. Hein, aujourd'hui, si je vais pas, c'est, j'ai peur du feu, c'est parce que la vie d'avant, j'ai été brûlé sur le bûcher. Bon, et alors? Et pourquoi pas? Les réincarnations, c'est très intéressant de faire des régressions pour voir ce qui se passe. Mais vous avez remarqué quand même qu'il y a beaucoup plus de réincarnations de pharaons que de gardiens de cochons. Alors que statistiquement, il y a quand même beaucoup plus de gardiens de cochons. Donc ça veut dire que quand on fait des régressions et qu'on va voir des vies, sont-ce vraiment les nôtres? On sait rien finalement. C'est peut-être des vies qui sont dans une grande bibliothèque, on en tire une d'une manière culturelle parce que ça nous intéresse, et on raconte cette vie. Ça ne veut pas dire qu'on la vit pas, entre parenthèses, hein, parce que c'est bien fait, c'est du tridimensionnel hein, quand on voit ça. Hein. Mais ça ne veut pas dire que c'est la mienne. Donc ça veut dire que je vais attraper peut-être des traumatismes qui ne sont pas les miens. Pourquoi c'est vraiment nécessaire ça? Pourquoi j'ai besoin de justifier ce qui m'arrive aujourd'hui? Alors après, on a les constellations, on a les... J'ai rien contre tout ça, si ça vous rend heureux, faites-le. Hein. Mais je veux dire, si ça vous prive de votre liberté. Et puis je m'en fous un peu de savoir que si j'ai mal au pied, c'est parce qu'il y a 15 générations, j'ai mon grand-père qui s'est coincé le pied. Donc... Pourquoi s'arrêter là, hein? Il y a 500 000 ans, l'amibe dont je descends s'est coincé la tentacule gauche, et ça explique pourquoi aujourd'hui j'ai mal au pied. Bon. Je vous empêche pas de le faire, mais personnellement, ça m'ennuie. C'est-à-dire que le philosophe cherche la perfection du moment présent. Et même si c'est vrai, et même si je suis aujourd'hui l'aboutissement de toutes ces vies et de tout ce que j'ai été, qu'est-ce que ça peut bien faire? Vivez au moment présent et faites ce que vous avez à faire maintenant. Vous savez, il y en a plein qui disent « Oh, ma vie n'est pas terrible, mais ça sera mieux la vie d'après. » Ça se trouve, vous êtes dit ça la vie d'avant. Donc, le philosophe vivant la perfection du moment présent, faites ce que vous avez à faire maintenant. Ici et maintenant. C'est ça qui va être le plus fondamental. Donc voilà ce que va choisir notre défunt. Quand il va revenir dans le faisceau de probabilité le plus probable pour qu'il élimine son agitation. Et moi, je croyais à cette époque-là que, quand j'étais sur le comptoir, qu'on venait de dépenser 5 kilos de colère, 3 grammes de peur, 400 grammes d'envie. Et aujourd'hui, je suis convaincu que c'est absolument pas ça. C'est-à-dire que je vais me retrouver à un endroit où je vais pouvoir exprimer cette pression. Parce que finalement, cette agitation, ce n'est que de la pression. Et la manière dont ça va sortir, ça va dépendre des circonstances. L'important, c'est que ça sorte. Vous savez, c'est comme quand quelqu'un joue de la flûte. C'est toujours le même souffle. Mais la manière dont on met les doigts, ça ne va pas faire le même son. Donc ça veut dire que si je me réincarne dans une famille quelconque, bah, peut-être que ce qui sortira sera de la colère. Si je me réincarne dans une autre, ça sera peut-être de la peur. Mais on s'en fout, finalement. Puisque ce qui sort n'est pas important, l'important, c'est que ça sorte. Et les émotions qu'on voit sortir... C'est teinté, c'est la manière dont ça va sortir. Mais ce n'est pas ce qui va sortir. Alors c'est beaucoup moins culpabilisant quand même pour nous. Hein. Donc c'est beaucoup plus tranquille en disant « Vous arrivez dans ce monde pour faire ce que vous avez à faire avec le véhicule qui est le plus adapté et les meilleures circonstances, même si ça ne vous plaît pas. » Pourquoi? Parce qu'il va se passer autre chose. Et heureusement, une fois que je suis arrivé, j'ai oublié pourquoi je suis venu. On va dire « Ah ben non, mais moi j'aimerais bien connaître les vies d'avant. » Ça va déjà les relations que vous avez dans cette vie-là avec des gens? Vous imaginez si vous vous souveniez de toutes les relations que vous aviez des vies d'avant? Déjà, on ne vivrait jamais une nouvelle vie parce qu'on essayerait de retrouver les gens d'avant, les lieux d'avant. Donc c'est une bénédiction d'avoir oublié finalement, hein, et pas du tout une malédiction. D'ailleurs, il y a une histoire kabbaliste qui est très belle. C'est que l'enfant, quand il naît, il se souvient de tout, le bébé, il est dans son berceau. Puis il y a un ange qui arrive et il pose un doigt sur ses lèvres en faisant « chut ». Et là, on oublie tout. Vous avez encore la trace du doigt. Et là, vous avez tout oublié. Mais vous avez toujours vos valises. C'est-à-dire que vous êtes venu avec le soufre que vous avez éliminé. Dans le véhicule le plus adéquat. Vous avez tous ici le véhicule le meilleur pour faire ce que vous avez à faire. même si ça ne vous plaît pas. Donc, on doit s'aimer comme on est. Tous les matins, vous vous réveillez, vous regardez dans la glace, vous faites « Toi, je t'adore, il est hors de question que je te quitte. » Ça, on est tous là. « Ah, bah ce corps, finalement, il n'est pas terrible. Celui du voisin, il est mieux. Bon, bah tu vas le perdre, il suffit de mourir. Ah, je peux rester 5 minutes ?» On a une drôle de relation avec notre corps, hein, quand même. Hein. On ne l'aime pas, sauf quand on va le perdre. Donc, c'est mieux de l'aimer avant de le perdre. Hein, je vous rappelle que, et alors la grande maxime, je suis tout seul, personne ne m'aime. Votre corps, il y a 40 milliards de milliards d'individus. Il y a plus de cellules dans chacun de votre corps que d'habitants sur la Terre, et de loin. Vous êtes le dieu de votre corps. La moindre de vos pensées, il y a des troupeaux d'êtres qui font « Oh là, il a raison, c'est merveilleux, c'est extraordinaire. » C'est quand même hallucinant, hein. Et je sais pas, vous avez déjà essayé de faire une réunion de 10 personnes pour la semaine suivante. Vous avez essayé? Vous avez vu comme c'est pas facile? Il y a toujours un chaos dans notre truc à faire. Nous, on est capable, quand on se réveille le matin, d'avoir quasiment la même tête que quand on s'est couché. Ça veut dire que vous avez réussi à mettre d'accord 40 milliards de milliards de cellules dans votre corps pour qu'elles gardent la même forme. Et qu'est-ce que vous êtes fort, quand même? Et là, je parle que des animaux. Je parle même pas des végétaux et des minéraux qui composent votre corps. En gros, vous êtes juste un univers. Vous êtes la même chose que Dieu. Vous êtes un Dieu, chacun d'entre vous. Et en plus, je vous rappelle que vous êtes issus de milliards de cellules qui se sont combattues pour arriver. Vous êtes tous des vainqueurs, en plus. Le seul spermatozoïde qui est arrivé, c'est vous. Hein. Tous les autres, ils sont partis dans le mur. Hein. Ils auraient aimé arriver. Puis hop, il y en a un qui arrive. Et moi, j'arrive dans ce monde, je fais délicat. Je fais, oh, pas terrible. Et tout. Non, j'aurais préféré une autre vie, j'aurais préféré autrement. Et pourtant, vous êtes battus pour rentrer ici. Hein. Et vous avez gagné. Donc tout ça fait que vous êtes unique. Que l'univers serait différent si vous n'étiez pas là. Et que vous avez le véhicule le plus adéquat pour faire ce que vous avez à faire. Donc, ne nous lamentons pas. Avançons sur ce chemin. Alors, mort ou vivant, eh bien, je vous souhaite de continuer votre chemin et de ne pas vous arrêter. Alors après, la question, c'est, ouais, mais alors qu'est-ce qui prouve que ce chemin est bon pour moi? Rien. Rien. Il y a une phrase qu'on dit toujours, c'est « errare humanum est », l'erreur est humaine, mais on oublie toujours « persévérer est diabolique », »,« perseverare diabolicum ». En gros, et nous, on s'est collé ça toujours de notre côté judéo-chrétien, l'erreur est humaine, ah bah oui, parce qu'on est imparfait, on fait toujours des erreurs. Là, c'est pas ce qu'on a voulu nous dire du tout. On a voulu nous dire que, bah oui, on est là pour faire des erreurs, mais vous y êtes pour rien. On est là pour explorer notre univers. Par contre, si j'ai un mur et que je me tape dessus en permanence, bah l'idée, c'est ça va, je vais arrêter, je vais faire un autre chemin. Donc arrêtez de taper. Vous savez, c'est le syndrome de la mouche qui se tape sur le carreau. Vous avez déjà vu une mouche qui se tape sur un carreau? Et la fenêtre est ouverte à côté. Alors nous, on est grands seigneurs, on prend la mouche, puis on l'amène. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient se taper sur le carreau. Mais heureusement, nous, on fait jamais ça. Hein. Alors, quand un carreau vous empêche d'aller sur un chemin et qu'on vous amène vers une fenêtre, allez-y. Hein. On va dire, ah oui, mais alors, après, ça va faire mal, je vais me planter. Et dans la langue des oiseaux, on dit, tant mieux, si tu te plantes, tu pousses. Je vais vous laisser la parole maintenant, si vous voulez bien. Et puis, pour dépouiller ces quelques mots que j'ai échangés avec vous. La question, c'est quand je suis mort, j'ai vraiment eu le cordon d'argent coupé? Non, c'est impossible. Bon, après, c'est une question de point de vue. L'histoire du cordon d'argent, c'est une vision hindouiste. C'est-à-dire qu'on dit que l'âme est accrochée au corps avec un cordon en argent. Et tant mieux, parce qu'à chaque fois qu'on rêve, on s'en va. Et c'est mieux de revenir dans le même corps. Vous imaginez, si ce n'était pas le cas? Notre civilisation serait sans doute beaucoup plus humaniste, mais tous les matins, on se réveillait en disant « T'es qui, toi ?» Ça serait intéressant, hein, j'aimerais voir ça, mais à ce moment-là, on n'aurait pas de différence. D'ailleurs, c'est drôle parce qu'on dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », mais le prochain, c'est qui, celui que je vais être? On peut se poser cette question. Je finis avec la réponse ici. Et donc, cette histoire de corde d'argent n'est qu'une interprétation de quelque chose. Donc on a parlé de l'argent, pourquoi? Parce que le neuvième monde, le monde qui est juste au-dessus, c'est associé à l'argent. Donc ça veut dire que si on transgresse, si on passe cette barrière-là, on ne vient plus dans ce monde-là. Mais c'est une explication. Je veux dire, si ça peut arriver, par exemple, vous êtes mort, enfin, vous n'êtes pas mort, vous avez un accident, vous êtes en coma. Tant que vous êtes en coma et qu'il y a de l'information qui circule entre les deux, le lien existe entre l'âme et le corps. Entre parenthèses, le corps, c'est pour ça qu'on reste 3 jours autour. Parce que même si le corps est mort, le système est fait en disant peut-être qu'au bout de quelques temps, il va revenir et je ne vais pas partir tout de suite, je vais attendre un peu. Et au bout de 3 jours, s'il n'est vraiment pas revenu, là, on est sûr qu'il est mort et on peut continuer son chemin. Mais par contre, je fais autre chose, je fais un coma dépassé, électroplat. Là, si j'ai un électroplat, on est sûr que l'âme n'est plus dedans. On a maintenu le corps, on a maintenu les fonctions végétatives avec du matériel, mais l'âme, ça veut dire que tout ce que je vous ai dit, le jugement, le passage, ça c'est fait. Il ne reste plus qu'un corps ici, vide. Alors il y a un défunt qui passe, là, puis il voit un corps, il dit « ouais, cool ce truc ». Et 15 ans après, il se réveille d'un coma et personne ne le reconnaît. Et lui-même, il va avoir des propos, des goûts, des choses comme ça qui n'ont rien à voir avec ce qu'il était avant. C'est normal parce qu'il n'était plus avant. Par exemple, alors des fois, ce n'est pas toujours des humains qui rentrent dedans, mais on va imaginer que dans notre propos aujourd'hui, ce n'est qu'un humain. Mais ce qu'il veut dire par là, c'est que quand l'âme est séparée vraiment du corps, c'est fini. Rien ne peut la ramener dedans. Ce qui est donc, si vous êtes là, et si c'est vraiment vous, j'en sais rien. On ne sait pas. On va poser des questions pour savoir qui il est en vrai. Voilà, mais c'est une mort, voilà, c'est une vraie mort. Alors, il n'y a pas de réanimation, il faut s'entendre sur la réanimation, c'est l'âme qui vient. Quand je suis inanimé, ça veut dire que c'est mon âme qui est partie. Quand je suis réanimé, ça veut dire qu'il est revenu. Alors, quelquefois, on a des glissements d'âme. C'est-à-dire, je suis en train de vous parler, et là, puis quelqu'un me bouscule. Et pendant un moment, je vais plus savoir où je suis. Pourquoi ? Parce que mon âme a continué tout droit, puis mon corps par là. Le temps que les deux se retrouvent, il va y avoir un certain temps. Quelqu'un fait une syncope. En réalité, la syncope, c'est quoi ? C'est mon corps va subir quelque chose que mon âme ne peut pas supporter. Donc, il se dit, moi, je m'en vais, je vais attendre que ça se passe. Puis, une fois que ce sera fini, je vais revenir voir. Puis, une fois qu'il est dedans, il fait, où suis-je ? Pourquoi il ne savait pas ? Ça veut dire qu'il était ailleurs. Ça veut dire qu'on est obligé de reprendre des repères spatiaux parce qu'on n'était plus là. On était parti faire autre chose. Et enfin, il y a les NDE, où la personne s'approche du jugement, mais elle est toujours liée au corps. Et là, la personne va voir des tas de trucs. Alors, on va dire, oui, mais c'est les endorphines, c'est parce que vous êtes dans un état où il s'est passé quelque chose. Ça peut être vrai. Sauf que des fois, il y a des personnes qui sortent de la salle d'opération, puis qui racontent des trucs qu'elle a vus dehors. Là, c'est pas possible. Donc, ça, j'en parlerai aussi, c'est comment se dédoubler, comment le faire exprès, parce que ça peut être très intéressant comme outil. Voilà. Merci pour tout ce que vous avez... J'ai une question qui rapporte à avant, c'est comme les gens ils ont une connexion personnelle peut-être avec Jésus ou autre être, et je sais que ça peut être formé par notre croyance, tout ça, mais ça semble qu'il y a des maîtres, des êtres élevés qui restent disponibles pour la communication, la connexion, même quand ils sont bien partis de ce monde. Est-ce que tu peux parler de ça? Oui, ben, y a deux choses. Bon, y a les archétypes. Les archétypes, c'est ce qu'on a parlé tout à l'heure, c'est des systèmes de croyances qui sont faits par des croyants. Si vous avez Saint-Michel qui vient s'asseoir à votre table, c'est que déjà vous avez des relations. Hein. Et un archange, c'est l'énergie d'un univers. Un ange, c'est l'énergie d'une planète. Donc imaginez cette énergie qui arrive dans votre périphérie. On serait vaporisé. Hein. Le fait de dire, tiens, j'ai vu Saint, il est déjà à l'autre bout de l'univers. Hein. Donc ça veut dire que c'est des énergies qui sont tellement incommensurables qu'on ne peut pas y accéder. Par contre, on peut accéder à des archétypes qu'on a fabriqués et qui ont une fonction particulière. Ça, c'est la première chose. Donc tous les gens qui ont Jésus, qui ont autre chose, on le voit par exemple avec les stigmates. Vous avez remarqué, il y a des gens qui sont connectés à Jésus puis qui font des trous dans les mains. On n'a jamais crucifié personne comme ça parce que ça ne tient pas. La crucifixion, c'était ici. Et en plus, on mettait une corde. Donc ça veut dire tous ceux qui font des trous ici, c'est parce qu'ils ont vu les images. Donc ça veut dire qu'ils ne sont pas en connexion avec, s'ils sont en connexion avec un archétype qu'on a créé. Cet archétype, il va changer en fonction de la culture. En christianisme primitif, hein, Jésus et Marie, ils habitent en Judée-Samarie. Donc aucune chance d'être des grands blonds avec des yeux bleus. Ça va être des petits gros basanés. Hein. Enfin bon, je veux dire que... ils ont. D'ailleurs, en christianisme primitif, quand on voit la représentation du Christ, hein, il est brun. Hein, il a une petite barbe, il est plutôt râblé. Hein. Et aujourd'hui, quand on le voit, c'est des grands blonds avec des yeux bleus. Donc il s'est passé un truc, hein, ce qui prouve que c'est bien des archétypes, donc des systèmes de croyances qui vont changer en fonction des croyants. Moi, si j'ai une force comme la Vierge qui se manifeste au fin fond de la Papouasie-Nouvelle-Guinée et que c'est une grande blonde habillée en blanc et en bleu, ils vont être morts de rire. Hein. Qu'est-ce que c'est? Par contre, si c'est un petit barbu avec un pagne, avec des poils partout et des cornes, là, il y a le respect. Hein. C'est peut-être la même force qui est derrière. Donc, ça, c'est l'archétype. Ça ne veut pas dire qu'entre la matière et les lumières, il n'y a pas des intercesseurs. Nous, on habite bien ici dans un monde. Pourquoi il n'y en aurait pas qui habiteraient dans les autres peaux de la bulle? Et pourquoi il n'y en a pas qui seraient plus proches de la peau? Donc, il peut y avoir des intercesseurs. Mais ces intercesseurs, quel est leur but? Quelle est leur motivation? Comment ils nous apparaissent et comment on les voit? Quand on parle d'un être de lumière, ça ne veut rien dire, ça peut être une tâche. Hein. Mais quand je vais voir ça, évidemment, moi ayant des bras et des jambes, je vais y coller des bras et des jambes. Mais quel intérêt pour une forme d'énergie d'avoir des bras et des jambes? Elle s'en fout complètement. Donc ça veut dire qu'on va avoir ce côté extraordinaire. On distingue la magie naturelle de la magie surnaturelle avec justement ses intercesseurs. La magie naturelle, c'est ce qu'on appelle les élémentaux. C'est-à-dire que nous, on a un esprit qui est venu dans de la viande. Pourquoi il y en a un qui ne viendrait pas dans un arbre, ou dans une pierre, ou dans de l'eau, ou dans de l'air? C'est pas plus bizarre que dans un morceau de viande. Hein. Donc à partir de ce moment-là, ça veut dire qu'eux, ils appartiennent à notre monde, dans notre sphère d'influence. Ils sont tangibles, sauf que leur esprit a choisi de ne pas s'incarner dans de la carne, mais de venir dans autre chose, pour faire la même chose que nous, éliminer leur agitation. Tout l'univers n'a que ce but-là, pour retrouver l'immobilité. Alors comme ils sont sur le même plan d'existence que nous, on peut échanger avec eux. On peut les voir, on peut causer, ils sont sur le même, ils existent aussi d'une manière aussi tangible qu'un lapin. Donc on peut avoir cet échange. À tel point, c'est que ces formes-là peuvent décider de communiquer avec nous. Et comment elles vont faire? Elles vont prendre des formes qui nous attirent. Vous êtes en forêt, vous avez 10 000 arbres et vous en avez un qui a un visage. Vous allez vers lequel? À 100%, vous allez vers celui qui a un visage. Ça veut dire qu'il a un échange, il a envie. Parce que ça n'a aucun intérêt pour qu'un arbre ait un visage. Il s'en fout complètement, sauf s'il veut nous attirer. Alors comme l'homme n'a pas toujours été l'espèce dominante, ben on a des pierres, on a des arbres qui ont des têtes d'ours ou des têtes de lézard qui existaient bien avant nous et ils avaient envie d'échanger avec. Donc on a ces nuances entre la magie naturelle et la magie surnaturelle qui est comment communiquer avec les autres plans d'existence et les autres intercesseurs. Alors, il peut y avoir des gens, des sages. Un sage, c'est celui qui est immobile, silencieux, aligné. Lui, il ne demande rien à personne, il garde ses chèvres, il ne demande rien, il assis. Puis tout d'un coup, pof, il y a un truc qui tombe. Il n'a pas la moindre idée de ce que ça peut être. Hein. On dit, quand on est touché par la lumière, l'initié, quand il parle, il ne sait pas ce qu'il dit, mais les autres comprennent. En gros, on est juste un robinet. Hein. Rien de plus. Il y a quelque chose qui passe. Et c'est pour ça qu'après, les témoins qui sont autour, eux, ils racontent ce qu'ils veulent. C'est toujours le problème. L'initié, c'est il est dans une maison, il a fait son chemin, il arrive à la fenêtre, il ouvre la fenêtre, puis il met la tête dehors. Et là, il voit un truc qu'il ne peut pas décrire, c'est incroyable. Il rentre la tête comme ça, puis il est un peu ébouriffé quand même. Hein. Puis il se trouve qu'il a des copains autour de lui, et qu'ils voient sa tête. Ils disent, mais il s'est passé quoi? Alors l'autre, il explique comme il peut, il va prendre des paraboles, parce qu'il ne peut pas expliquer. Alors il y a ceux qui ont vu directement et qui ont vu la tête de celui. Et là, eux, ils sont impressionnés quand même, hein, au sens littéral, comme un appareil photo. Et puis après, il raconte ça à quelqu'un, mais qui n'a pas vu celui qui était dehors. C'est l'homme qui a vu l'ours, puis qui n'a pas eu peur. Et au fur et à mesure, on va s'éloigner de celui qui a vraiment vu. Et là, on va arriver à des interprétations. Et ensuite, l'interprétation, elle va devenir culturelle, voire politique, en disant, je vais rajouter dedans un truc qui m'intéresse. Parce que, comme ça, on va dire que c'est le prophète qui l'a dit, et puis vous êtes obligé de m'écouter, puis c'est pas moi, ce prophète qui l'a dit. On le voit, par exemple, dans les évangiles. Entre Luc et Matthieu, par exemple. On voit un moment dans celui de Luc, il est marqué, et Jésus dit au publicain, lève-toi et suis-moi. Publicain, c'est celui qui ramène les taxes. Et dans celui de Matthieu, même verset, il est marqué, Jésus dit à Matthieu, lève-toi et suis-moi. Ça veut dire qu'en gros, quand il a écrit, il s'est mis dedans, il a dit, ça prouve que c'est vrai, j'y étais. Et on va s'apercevoir, par exemple, que les miracles, ils deviennent de plus en plus miraculeux au fur et à mesure que ça s'éloigne de la source. Alors que le miracle, ça veut dire mirer. Mirer, ça veut dire regarde. Et faire un miracle, le plus important, c'est pas de faire le miracle, mais c'est de voir d'où il vient. En gros, le miracle nous permet de découvrir la source. Et pas du tout le miracle par lui-même, on s'en fout du miracle. Donc c'est à travers toutes ces nuances-là qu'il va falloir jongler. Le prophète, il reçoit la lumière, il sort ce qu'il peut. À travers ça, les gens qui sont en tout sont éclaboussés par cette lumière et en tirent des conclusions. Alors maintenant, le prophète qui va recevoir cette lumière, lui, jamais, il va dire que c'est un prophète. C'est les autres qui vont dire qu'ils sont un prophète. Jésus, quand... alors, il y a des raisons kabbalistiques de l'appeler comme ça. Il y a des vraies raisons. Mais qu'il existait, qu'il n'ait pas existé, on s'en fout complètement. L'important, c'est le plus pur esprit du christianisme. C'est le message qui est passé. Et le message, quand on le comprend vraiment, il n'a rien à voir avec celui qui est transmis par les églises. Par exemple, la transsubstantation. Vous savez, le sang du Christ, il y a plein de gens qui disent « Mais alors, vous êtes des cannibales, vous, parce que vous mangez finalement le corps d'un prophète, vous buvez son sang, ça va pas, non ?» C'est juste un peu païen. Puis en plus, techniquement, ça pose un vrai problème. Vous avez un copain qui est tué sur une croix, vous. Pop, en souvenir, vous allez prendre un peu de sang, puis vous allez rentrer avec. Vous me direz, on n'est pas à ça près, puisqu'on a bien gardé le Saint-Prépuce aussi, ils étaient prévoyants. Hein. C'est quand même une relique, hein, le Saint-Prépuce. Hein. On a bien du lait de la Vierge aussi, donc. Donc on peut croire à n'importe quoi. Et donc l'histoire qui est vraiment intéressante, c'est que quand vous prenez une coupe en or ou en aor, c'est-à-dire le métal or, et vous remarquez que le vin de messe, c'est du vin blanc. Hein. Et quand on demande au curé aujourd'hui pourquoi c'est du vin blanc, ils disent c'est pour pas tacher les linges. Donc c'est évidemment une ânerie. Hein. Mais quand vous mettez de l'eau ou du vin blanc dans une coupe en or et que vous éclairez, là c'est rouge. Pourquoi c'est rouge? Parce que la lumière va venir se refléter sur les parois. La fréquence de la lumière va changer, ça va devenir rouge. Donc le sang du Christ, c'est la lumière. Et là, ça change un peu la donne. Parce que ce n'est plus une religion souffrante. Alors ça veut dire que ce prophète, il est à la fois un archétype créé par les croyants. Ça se trouve, il n'était pas du tout comme ça. Mais c'est les gens qui l'ont créé. Ça veut dire qu'il a reçu quelque chose peut-être d'une force extérieure, de rassemblement et pas chaotique. Et que cette force extérieure, on ne sait pas ce que c'est. D'ailleurs, le premier commandement, le deuxième commandement, c'est « tu ne feras pas de représentation de ton Dieu ». Et le premier commandement, c'est « tu n'adoreras qu'un ». Ce n'est pas marqué « tu n'adoreras qu'un Dieu hein. ». On l'a rajouté après. Et vous remarquez qu'il y a 55 commandements qui s'adressent à Dieu et 5 qui s'adressent à l'homme. « Tu ne voleras pas, tu ne tueras point. Tu... » Donc, on a encore finalement ce passage. Et je reviens à Jésus. En réalité, le nom de Jésus, c'est le passeur entre... Son nom veut dire le passeur entre la lumière et la matière. Le nom de Dieu, Yod, E, Vav, E, le feu, l'air, l'eau et la terre. Deux éléments légers, le feu et l'air, deux éléments lourds, l'eau et la terre. Et au milieu, on va mettre la 21e lettre de l'alphabet, qui est le Shin, qui est un chandelier à trois branches, qui est le feu en bas. Et ça fait Yod, E, Shin, Vav, E, ça fait Yeshua, celui qui passe entre la lumière et la matière. C'est pour ça qu'il s'appelle comme ça, et pas Maurice. Voilà. Donc tout ça pour dire, mais c'est très difficile d'expliquer ça d'une manière courte, tout existe, mais pas comme on croit. Et surtout pas, les archétypes peuvent être très présents. Il y a des gens qui peuvent pencher avec Jésus à leur table, pourquoi pas. Mais c'est forcément un archétype. Déjà pour la bonne raison qu'on peut souhaiter que si Jésus a existé en tant qu'homme, d'ailleurs, il n'y a aucune raison qu'il soit là. Hein. Il a dû continuer son chemin aussi, lui. Hein. Les maîtres, ils reviennent ou ils ne restent pas pour aider les autres. C'est une des possibilités. Il y a une possibilité quand... c'est quoi un maître? C'est celui qui a percé un trou dans la peau de la bulle. C'est-à-dire qu'il a fait une démarche, il a suivi un chemin, et puis il a percé un trou. Et donc, dès l'instant qu'on perce un trou, il se passe quelque chose. Il y a la lumière qui rentre, et elle éclaire un chemin. Mais ce chemin, il n'existait pas une seconde avant. Donc maintenant, son but, ça va être d'amener des gens à la source. Pour ce faire, il y aura trois fonctions. Celui qui a trouvé, qui reste à maintenir la porte ouverte. Le chemin qui est éclairé maintenant s'appelle la tradition. Et celui qui fait visiter le chemin, ça s'appelle la transmission. Donc il y a trois fonctions. Au début, c'est l'homme orchestre, il fait tout. Il tient la porte, il décrit le chemin et il dit aux gens « venez ». Puis un jour, il trouve un disciple. Et ce disciple, il va lui expliquer le chemin. Donc il va lui transmettre la tradition. Donc maintenant, on est deux. Il y en a un qui tient la porte et puis il y en a un qui décrit le chemin. Et celui qui décrit le chemin, il amène aussi les gens là. Et un jour, il trouve un disciple. Et maintenant, il va lui expliquer la transmission. C'est-à-dire comment amener les gens sur le chemin. Et maintenant, on est trois. Il y en a un qui tient la porte, il y en a un qui maintient le chemin, puis il y en a un qui amène les gens sur le chemin. Donc une vraie voie qui fonctionne a forcément une source, une tradition et une transmission. Alors maintenant, ça va continuer, je dis en étroit minimum. Mais après, plus il y a de gens qui arrivent, plus ils maintiennent le chemin. Et donc, ce qui va se passer, c'est quand il y en a un nouveau qui arrive, celui qui apportait la transmission à un disciple à son tour. Donc, il va maintenant garder le chemin, et celui qui était à la porte passe. Ça veut dire que la tradition est toujours maintenue, ça veut dire que la porte est toujours ouverte, et ça veut dire qu'il y a toujours quelqu'un pour transmettre. Donc ça veut dire que tant qu'il n'a pas passé, il est un passeur. Mais au moment où il choisit aussi de passer, il vient s'agglomérer à la lumière extérieure pour augmenter la pression globale sur la sphère. On a deux possibilités. Soit je travaille à l'intérieur pour faire passer, soit je travaille à l'extérieur pour réduire la sphère. C'est un choix personnel. On se retrouve un moment vers la porte, et alors je fais quoi? J'y retourne ou je passe la porte? On a vraiment ce choix. Alors par contre, ça va vite. Hein. C'est j'y vais, j'y vais pas, j'y vais. Fouit! Allez, j'y retourne. Mais quand j'y retourne, j'ai pas le choix de dire non. Au bout de 2 ans, c'était une blague. Non, je préfère... Non, on est obligé de se refaire un cycle complet. On a le choix. Mais la voix, on pose toujours la question, mais la voix, ça sert à quoi? Et la réponse que je donne la plus souvent, mais ça sert à rien, c'est toi qui sers la voix. Et donc, on a cette idée de passeur pendant un temps et de passage pendant un second temps. Alors, il y en a qui peuvent choisir directement de dire, moi, tout ça, je m'en fous, j'ai trouvé un trou, je passe. Alors, avec le temps, ce qui peut se passer, c'est que les voix disparaissent. C'est-à-dire, ceux qui transmettaient ne transmettent plus. Donc, il ne reste plus que la tradition et la source. Puis, au bout d'un moment, à force de ne pas transmettre, la tradition aussi disparaît. Il ne reste plus que la source. Puis, il n'y en a plus qu'un qui est à la porte. Puis, il peut se dire à ce moment-là, écoutez, ça va bien, il n'y a plus personne qui arrive. Il n'y a personne? Non. Pof, il part. Et la porte se ferme. Et cette source n'existe plus. Alors, le pire, c'est qu'après, il y a des gens qui exhument un vieux bouquin et qui recréent une tradition, mais il n'y a plus de source. Ça veut dire que, y en a, il se réveille le matin, il devient un grand mamamouchi chef. Il va prendre un truc à droite et à gauche, des trucs qui marchent bien. Je vais devenir un chaman, puis un chaman avec breton. Et puis, tiens, je vais me rajouter un peu de yoga, puis je vais me rajouter un peu de machin, puis un peu de bidule. Et à ce moment-là, je vais amener des gens sur un chemin, mais qui butent sur un mur. Ça sera purement culturel. Le but d'un chemin, c'est très simple, hein, c'est juste un retour. On parle de retour aux sources, d'ailleurs. Donc, on doit juste montrer la fenêtre et dire aux gens, Alors l'adepte aussi, quand il aura fait sa pierre philosophale, ça va lui donner ses 3 étapes. Une fois qu'il l'a fait, finalement, c'est une pierre qui contient la lumière du dehors. Hein. Il va la prendre. Glop. Et là, la matière se dissout et la lumière se libère à l'intérieur. La première fois, 1/3 de lumière, 2/3 de matière. Il est ici, mais il a accès dehors. C'est-à-dire qu'il s'est approché de la fenêtre et il a mis la tête dehors. La deuxième fois, il prend la pierre. Clac. Là, il sort dehors. Puis il fait le tour du jardin. Le jardin, c'est paradis. Hein. Qui a donné le paradis, entre parenthèses. Alors évidemment, quand il a fait le tour du jardin, le temps de l'extérieur n'est pas le même que dedans. Donc après avoir fait un tour, il ouvre la fenêtre et il dit « Salut, il y a quelqu'un ?» Et là, il y a des gens qui le regardent, il dit « Mais il a la même tête qu'il y a 50 ans, donc il est immortel. » Lui, il a une vie normale, il n'est pas immortel, seulement le temps ne s'écoule pas de la même manière dehors que dedans. Alors de temps en temps, il ouvre la fenêtre pour dire ce qu'il a vu dehors. Et puis la troisième fois, quand il apprend 3/3 de lumière, là... On sort du jardin et on perd la maison de vue. Et tous ceux qui l'ont fait sont parvenus pour le dire. Ils sont. Est-ce que tu peux clarifier la différence entre âme et esprit? Oui, je peux dire que l'esprit, c'est la lumière qui est dehors. L'âme, c'est la peau de la bulle. Je ne sais pas si ça clarifie. Mais je veux dire que c'est un des nombreux exemples. Quand il y a une bulle, mais c'est très étrange, et vous allez voir quelque chose qui nous amuse. Amuser, bien sûr. Il y a une sphère. Quand vous êtes dans l'eau, vous avez déjà fait, vous êtes au fond de l'eau, puis vous faites des bulles. Bon, ça nous est tous arrivé, ceux qui n'ont pas peur de mettre la tête sous l'eau. Et vous avez remarqué que l'eau ne rentre pas dans la bulle. Et clair ne sort pas de la bulle. Et la question, c'est pourquoi? Parce qu'il y a une peau? Ben non, parce que quand elle explose à la surface, il n'y a aucune peau. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de peau, et pourtant ça ne rentre pas. Il n'y a pas de peau, et pourtant ça ne sort pas. Donc ça veut dire qu'il y a une espèce de limite qui n'existe pas, mais qui empêche que ça rentre et que ça sorte. Ça ne se peut pas, et pourtant ça marche. C'est comme une empreinte, quand vous marchez sur le sable, vous faites une empreinte. Mais en réalité, l'empreinte, elle n'existe pas. Elle n'existe que parce qu'il y a un pied et du sable. Mais en tant que telle, une empreinte, ça n'existe pas. Donc votre ego, en réalité, il n'existe pas. C'est une empreinte aussi. Donc, c'est pas une ombre, puisque la matière est une ombre. Mais c'est quand même une empreinte. Il y a quand même quelque chose. C'est une vraie empreinte. Quand un bébé il arrive dans ce monde, il n'a pas d'ego. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas d'émotion. Hein. Il peut en avoir plus que vous. Hein. Ça se trouve, il a 10 000 vies de plus que vous. Hein. C'est pas parce qu'il est petit, on dit vous avez jamais percé. Des fois, un regard d'un enfant de 2-3 ans, et on regarde au fond, on a l'impression que c'est un puissant fond. Hein. On a l'impression qu'il est infiniment plus vieux que vous. Hein. Et ça se peut. Hein. Il a peut-être 10 000 vies de plus que vous. Hein. Donc quand il arrive, il a plein d'émotions, mais il n'a pas d'ego. Alors il va commencer à prendre la place. Et plus il va prendre la place et plus vous allez lui laisser de la place, plus son ego va gonfler. Finalement, l'ego, c'est l'interaction entre l'énergie que vous avez dedans et ce qu'on vous laisse faire dehors. C'est la place que vous prenez et que les autres vous laissent prendre. Et puis aussi, c'est la croyance. Si quelqu'un vous dit « Ah bah t'es comme ça » et que tout le monde vous le dit et qu'on vous le dit tout le temps, vous allez finir par le croire. Et donc on va maçonner, on va construire une forme extérieure qui n'existe pas, qui n'est qu'une interaction. C'est donc une empreinte. C'est ça l'ego. Ah parfait. Ils ont mieux compris que nous. Ça, c'est vrai. Hein, l'histoire de péter la bulle. Donc on a vraiment cette notion. Donc ce que je veux dire par là, l'âme est un réservoir qui n'existe pas, qui contient l'agitation du début. C'est pour ça que c'est plus une ombre qu'un obstacle. L'être, c'est la lumière qui est à l'extérieur de la bulle. Donc c'est la lumière qui est à l'extérieur. Le corps, c'est la matière qui permet d'être une interface entre l'âme et le monde. C'est-à-dire que moi, j'ai plein d'agitation. Et la question, c'est comment je vais dissiper cette agitation? Je ne peux pas, si je suis pur esprit ou pur rien. Donc je rentre dans quelque chose de dense, dans un monde dense, où là, l'agitation, il y a ce qu'il faut. Hein. Et plus le monde est dense, plus chaque mouvement va me coûter de l'énergie. C'est pour ça que ce monde, il est comme ça. C'est une chicane. C'est un endroit où on s'entretue, où on fait des émotions, mais il est fait pour. Donc plus il est dense, mieux c'est. Quand vous marchez dans l'air, quand vous marchez dans l'eau, quand vous marchez dans du sable, c'est pas la même énergie pour le même pas. Donc l'âme, c'est ça, c'est un réservoir de soufre. Un réservoir d'agitation qui rentre à l'intérieur d'un corps pour se dissiper. La lumière est à l'extérieur, elle entoure tout ça. Et quand j'aurai vidé mon âme, plus je vide mon âme, plus on voit la lumière à travers. Et quand elle est complètement vide, alors je ne suis que lumière. C'est-à-dire quand j'ai plus d'émotion, alors j'ai l'amour. Une dernière question ? C'est bien d'avoir une réaction. Je voudrais juste qu'on précise que moi, dans ce que j'entends, qui pourrait être un peu paniquant, c'est de me dire « Ok, faut que je me libère de tout ce poids lourd, de tout ce poids mort. » Alors, je vais réagir comme je suis là. C'est difficile pour moi de penser qu'il y ait une hiérarchie entre la lumière et la matière. C'est quelque chose que je ne conçois pas. Donc c'est difficile pour moi de me dire que pour être heureux ou libéré, il faut que je me libère de la matière ou il faut que je meure, parce que ça, c'est comme allons-y au suicide collectif, voilà. Donc je voudrais un petit peu des précisions là-dessus. Non, pas du tout. C'est pas ce que j'ai voulu dire. Il n'y a pas de différence entre la matière et la lumière. Nous faisons une différence, parce que je vous parle que d'humain à humain ici. Comment voulez-vous que je fasse autrement? Mais on s'apercevra justement quand on est touché par la lumière qu'on est dans chaque chose et chaque chose est en nous. Donc la question ne se pose pas de la différence entre la matière et la lumière. Nous faisons une différence en tant qu'être humain dans de la viande. Mais je veux dire, comment l'exprimer autrement? Ça, c'est la première chose. D'autre, est-ce que pour se libérer, il faut mourir? Absolument pas. C'est pas ce que je vous ai dit. Vivez joyeux. C'est la seule chose à faire. Vivez l'intensité du moment présent. Goûtez les choses. Les sens sont les points d'entrée de l'être. Mais ça ne doit pas être le but. On est ici comme un couple cheval-cavalier. Votre corps, c'est un cheval. Le cavalier, c'est justement l'âme qui doit se vider dessus. Et donc l'idée, c'est de sympathiser avec son cheval pour être capable de que le cheval nous conduise au bon endroit, ou plutôt proche de l'envers, en étant satisfait, mais que ça ne soit pas l'unique satisfaction du cheval. Un exemple. Moi, je suis sur mon cheval, je veux aller là-bas. Lui, il voit une grosse touffe d'herbe là. Lui, bouh, il va là-bas. Donc je lui dis, mais c'est là-bas que je veux aller, il ne m'écoute pas. Qu'est-ce que je fais? Je lui crie un peu plus fort dans les oreilles. Il ne m'écoute pas. Je lui mets un coup de cravache. Il ne m'écoute pas. Je lui mets des coups d'éperon. Il ne m'écoute pas. Je lui mets un coup de fusil. Et je prends un autre cheval. Ça, c'est le rapport qu'on a avec notre corps. Par contre, s'il m'écoute tout de suite et que je suis bien en accord avec mon corps, je vis ici. On n'a pas besoin de souffrir. Hein. Je veux dire, 2000 ans de culpabilité, ça va, on a donné. Hein. Ça suffit. Vivez joyeux, vivez l'intensité du moment présent. On n'a rien besoin de se libérer. Il n'y a pas de hiérarchie. C'est pas ce que j'ai voulu dire. Je veux juste dire que quand on suit une voie, ça se fait tout seul. Mais à aucun moment, on se dit « Ah bah tiens, je vais me lever, tiens, je vais éliminer 5 kilos de colère et puis je vais recevoir la lumière. » On ne se lève pas un matin en disant « Pompon, ça y est, je vais devenir un alchimiste. » On s'en fout complètement, ce n'est pas notre problème. Et en plus, l'alchimie, je l'ignorerai un jour, c'est jamais qu'un outil. Souvent, nous, occidentaux, on est dans la glorification de l'outil, mais pas de ce qu'on fait avec. C'est pour ça qu'on fait des milliards de stages, de formations. En réalité, on s'en fout d'avancer. On veut combler nos carences. J'ai mal aux pieds, je fais donc un stage de j'ai mal aux pieds. Puis après, quand j'ai plus mal aux pieds, je fais un stage de je suis pas bien dans ma maison. Puis après, je terminerai par un stage de personne ne m'aime. Mais où ça me fait avancer sur mon chemin? Nulle part. Ça me conforte, au contraire, dans ma réalité. La vraie clé, c'est une clé de liberté. Mais la liberté s'accompagne de l'embarras du choix. Donc, vivez l'intensité du moment présent. Et c'est plutôt une voie joyeuse, hein, une voie heureuse. Hein. C'est pas une voie ascétique. Hein. Pas du tout. Hein. Mais il y aura des épreuves, et les épreuves, c'est nous qui les portons en nous. Celui qui veut des preuves vit l'épreuve. Celui qui continue sur son chemin en étant béat sur son chemin, aucun problème. Il ne faut pas non plus être un gogo béat en croyant tout ce qui passe. Et surtout, c'est une voie de liberté. Hein. Nous avons une voie qui est une voie sans maître. Qui dit maître dit sous-maître. On transmet juste des choses et chacun en fait ce qu'il a à faire avec. Quand quelqu'un vous guide d'une manière trop précise sur un chemin, on peut se poser la question de savoir s'il vous guide sur vos pas ou sur les siens. Donc c'est une voie de liberté. Donc vous n'êtes pas obligé de vous suicider, ça tombe bien, non? Voilà, merci de votre attention. J'espère que vous avez... Merci beaucoup Patrick, c'était formidable. J'espère que ça vous a plu. Patrick va maintenant être en dédicace pour vous, donc dans le foyer. Bonne fin de journée à tous.